comme tel. Alors, ce concept de peuple que je développe effectivement dans Être marxiste aujourd'hui, c'est, je dirais, et c'est les mots, je crois, qu'à l'époque que j'employais, c'était en 86, une cible sans contour. Le corrélat éventuel et non fixe d'un projet d'assujettissement qui se trouve dans la cervelle des classes dirigeantes. Vous dites assujettissement et pas aliénation. Cela veut dire, je dis assujettissement et aliénation ailleurs. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, c'est comment s'est effectuée la rupture de la conscience de classe. La conscience de classe était quelque chose d'existant. Le capitalisme préfère, bien entendu, développer ou favoriser le corporatisme plutôt qu'une conscience unitaire, autour de la classe ouvrière, par exemple. Une conscience d'aliénation qui devient conscience d'opposition et projet d'action revendicative ou révolutionnaire. Ce faisant, d'une part, il atomise le peuple en un public qui est précisément l'allocutaire, ou plus exactement le destinataire de tous les messages unificateurs diffusés par sa propre lutte idéologique de classe dominante. C'est-à-dire que là, effectivement, les médias jouent un rôle extraordinaire. On a pu faire croire à un public ou à un peuple ou à une opinion tout entière ou presque, à l'exception de quelques intellectuels privilégiés, que Marx et Staline étaient des jumeaux diaboliques. On a pu faire croire qu'il y avait vraiment eu le communisme sur la planète. On a pu faire croire que le stalinisme et le communisme, c'était la même chose. On a pu faire croire qu'il existait des régimes marxistes. L'expression a été employée des milliers de fois par les journalistes. Qu'est-ce que ça veut dire, un régime marxiste? Pouvez-vous me citer un cas? Des régimes qui font référence au marxisme, au léninisme, oui. Mais par exemple, le fait de déclarer que l'on est marxiste n'a jamais absolument engagé ni à l'être, ni à avoir une pratique qui corresponde au champ de principe théorique du marxisme. Eh bien, je peux vous déclarer, par exemple, ici même, que je fais partie du cœur de Notre-Dame, ce qui serait difficile à croire aujourd'hui. Je peux le dire et le soutenir à l'antenne, ça ne fera pas que ça soit vrai, bien. Cela dit, ce à quoi j'invite aujourd'hui, c'est à penser les modalités de constitution des consensus. La fabrique des consensus est l'industrie qui maintient en place une société fondamentalement contradictoire, qui est la société libérale. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la recherche en ce domaine est peut-être ce travail d'analyse, de sociologie ou de psychologie sociale qui serait de s'attaquer à ce problème qui est à la fois la clé de la compréhension de la rupture de la conscience de classe et peut-être aujourd'hui de sa réinstruction. Michel Verret, oui, peut-être, et puis après Jacques Rancière. Au fond, sur le fait que les réalités sociologiques des classes moyennes n'épuisent pas leur réalité, on dirait, idéologique ou d'opinion, et cette espèce de concentration, la moyenne, ça peut être aussi le centre, cette espèce de centre vers lequel, sur lequel s'opéreraient des dénominateurs minimaux communs des consensus. Je voudrais quand même dire qu'il me semble que dans le salaire, sur la discussion, sur quoi la lutte de classe peut reposer aujourd'hui, à mon avis, sur le conflit entre entreprenants et entrepris, et chez les entrepris, dans, je ne dirais pas comme Jacques Kergoat, les ouvriers, mais je dirais le salariat d'exécution. J'entends par là la masse ouvrière et employée. À mon avis, ce n'est pas la même chose, on pourrait beaucoup discuter, ni pour la nature des travaux, je dirais d'un mot que les uns travaillent sur les choses, les autres sur les signes, d'autre part, ni pour le rapport respectif des groupes. Les employés ne veulent pas devenir ouvriers, les ouvriers veulent souvent devenir employés. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont en bas. Et ça ne fait pas loin d'un peuple, parce qu'un peuple, c'est cette base-là qui est en bas et qui est moins actuellement la base d'Emmanuel, qui était autrefois ouvrier, petit paysan et artisan, que la base des salariés d'exécution qui ont en commun quoi? Ce sont les moins payés, ce sont les moins instruits et ce sont ceux qui sont commandés et non commandants. C'est ça qui fait la différence avec le cadre qui a une délégation d'autorité qui est commandé quelquefois, mais il est aussi commandant. Tandis que ceux-là ne sont que commandés. Et tout ce conflit sur l'autorité, le petit chef, etc., me semble être une des sensibilités centrales sur lesquelles s'opère aujourd'hui et qui avait été complètement gommée par beaucoup de marxistes. L'ainsi dite lutte de classe. Jacques Rancière. Moi, j'ai juste un tout petit point de réaction sur ce qu'a dit Patrick Thore. Il a dit que on avait essayé, même réussi à faire croire à coup, en quelque sorte, de matraquage idéologique, que communisme et stalinisme étaient la même chose. Bon, je crois que le problème, c'est que quand même, c'est le stalinisme d'abord qui, disons, a fait croire qu'il était le communisme ou la voie au communisme. Et que ce sont d'abord, c'est d'abord là, en quelque sorte. C'était peut-être un peu ambigu. Donc, attendez, Patrick Thore, tout de même, pour poursuivre vos questions simples, puisque vous disiez qu'il fallait, à ce stade de la discussion, en revenir à des questions très simples. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous posez cette question de la rupture de la conscience de classe, très précisément ? Vous voulez dire dans sa genèse ? Dans sa genèse, j'ai essayé de l'expliquer un peu tout à l'heure, le pouvoir de la classe dominante prend conscience, à une période que je situe autour de 68, du danger. Tout simplement qu'il peut y avoir à laisser parler véritablement une conscience, hein, une conscience collective. Et à ce moment-là, réagit en essayant, avec l'aide précisément du développement des médias, de l'hyperdéveloppement des médias qui commence à cette époque, commence à atomiser véritablement le public. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les hommes politiques, comme les animateurs d'émissions politiques de la télévision, ne parlent plus du peuple ou des classes sociales, ils parlent du public. Hein ? Qui est-ce qui vote aujourd'hui ? C'est le public. Il faut le savoir. Ça veut dire que les médias ont pris une position extraordinairement forte dans la fabrication de ces consensus globaux sur lesquels, précisément, le système s'assoit pour tenir. À votre avis, où en est la conscience de classe aujourd'hui ? La conscience de classe aujourd'hui est effectivement malade. Nous le savons, nous avons fait ce constat tous, chacun l'un après l'autre autour de cette table. Elle est malade aussi parce que ce qui pouvait être fait pour la défendre a été négligé. Pour la défendre et pour l'instruire, une conscience de classe s'instruit d'une façon permanente. Un certain ouvriérisme de certains partis ouvriers a fait, de certains partis communistes, a fait que un préjugé antithéorique, parfois même presque anticulturel, a conduit précisément à négliger l'aspect lutte idéologique de la lutte politique. Aujourd'hui, on mesure, lorsque nous faisons rétroactivement l'analyse de l'amplification extraordinaire de l'importance de la lutte idéologique par les médias, on mesure à quel point ce que certains appelleront le retard, ce que d'autres appellent plus justement l'erreur, a été grande. L'erreur précisément de ne pas réagir à cette désinstruction systématique. Alors, c'est dans j'expliquais en 86 que c'est par l'atomisation du public destinataire que s'opèrent justement les consensus les plus forts. Les gens ne sont plus les uns à côté des autres dans des assemblées pour recevoir l'information ou le slogan et les discuter démocratiquement. Ils ne sont donc plus ensemble pour penser, ils sont en face d'eux un médium qui leur envoie une information qui n'est pas n'importe laquelle et auquel ils ne peuvent pas répondre. Vous pensez que la conscience de classe va ressurgir ? Je le crois, oui, à deux conditions, bien sûr. D'abord, l'accentuation de la crise du libéralisme qui est très, très probable et plus probable en ce moment que jamais. Et d'autre part, je le crois aussi parce qu'il y a par ailleurs un effort d'analyse et de compréhension qui est déployé par certains théoriciens qui doivent aujourd'hui passer la frontière entre eux et ce public dont je parle. Autrement dit, il est bien aujourd'hui que des théoriciens des classes sociales, que des théoriciens du mouvement ouvrier et de la lutte de classe puissent expliquer ces choses sur France Culture. Mais en même temps, il faut aussi impérativement que ces choses soient expliquées ailleurs. Parce que France Culture est aussi comme vous le savez bien entendu, un lieu privilégié qui est en fait écouté lui aussi par une certaine classe. Daniel Ben Saïd. Sur la rupture de continuité ou rupture d'une certaine époque et figure de la conscience de classe, on ne trouvera pas un facteur unique. Il y a évidemment des très forts facteurs politiques qui sont aussi bien internationaux. Le massif problème ou expérience du stalinisme, évidemment, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une défaite. Je parlerai de défaite, mais qu'on a sous-estimé, c'est une défaite du mouvement ouvrier, là, pour le coup. Une défaite silencieuse et presque sans combat, c'est les pires, à mon sens, au début de la contre-offensive libérale, à la fin des années 70. Bon, ça, je crois qu'on n'a pas encore mesuré les dégâts de ce qui s'est passé dans les formes d'adaptation, de capitulation là-dessus, et où les partis majoritaires, en tout cas du mouvement ouvrier, dans presque tous les pays, ont apporté leur tribut au phénomène en développant une idée, une idéologie, une valeur de promotion sociale plus que de conflit. Ben évidemment, ça érode considérablement. Alors après, le phénomène dont parlait Patrick Thore me paraît très grave. Ça, il a dit, on parle du public, de l'opinion, mais même des dirigeants syndicaux et politiques parlent des gens. Moi, il y a une formule de Walter Benjamin qui m'a toujours frappé, c'est « L'Allemagne hitlérienne était le pays où on ne pouvait plus nommer le prolétariat ». Quand on ne peut plus définir un groupe social, quand on n'a plus y compris la fierté de s'en revendiquer, quand on n'a plus qu'à faire qu'à une poussière d'humanité que sont les gens, on est dans une zone de danger. Alors, les raisons d'espérer par rapport à ça, bon, je crois que dans la mesure où la lutte n'a pas disparu, ça ne dispense pas, Patrick Thore a pleinement raison, de toute la dimension de lutte politique, idéologique. Mais enfin, le premier terrain, c'est d'abord qui est le conflit, d'où naissent des expériences, éventuellement une conscience. Et là-dessus, je crois que maintenant, il a suffi quand même de 3 ans. De 3 ans à peine, on l'évoquait tout à l'heure, mais après les grandes trompettes triomphales qui ont suivi la chute du mur de Berlin, comme qu'on allait avoir une expansion marchande impétueuse en Europe de l'Est, on a maintenant, c'est même pas un tiers monde. Le salaire enseignant en Russie à l'heure actuelle est inférieur à 100 francs par mois. C'est pas le Mexique, c'est bien au-dessous. Bon, on connaît pas l'expérience d'un tiers monde au cœur d'un continent tel que l'Europe, à peu près, ce que ça va produire. La catastrophe libérale est une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui peut surgir de cette conflictualité-là? Il n'y a pas de fatalité. Malheureusement, je pense quand même que les expériences ont été tellement lourdes que, pour reprendre les vieilles métaphores, la barbarie a pris quelques longueurs d'avance. Bon, c'est pas une raison pour se décourager, c'est plutôt une raison... Bon, si vous voulez le dire comme ça, moi, je me sens plus de raison d'être révolutionnaire, pour le terme le plus général, aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Beaucoup plus qu'en 68. Aussi très obsolète aujourd'hui. Bah, peut-être. Pourtant, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Jacques Rancière, peut-être pour poursuivre cette question sur la conscience de classe, peut-elle réémerger ? Bon, moi, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution à apporter réellement. Je pense que des formes, peut-être vraiment, disons, je dirais, des formes d'opposition, des formes d'opposition sociale et politique fortes, bon, peuvent réémerger. Est-ce que ça réémergera sous la forme de la conscience de classe telle qu'elle se disait? Bon, on mesure pas actuellement, bon, premièrement, l'effet à long terme de ce qu'a été, bon, disons, l'histoire du siècle, en particulier l'histoire du système stalinien. On ne mesure pas très bien l'effet. On ne mesure pas non plus très bien exactement, bon, l'effet de que les réorganisation, les divisions, réorganisation du procès de travail peuvent opérer. Parce que je crois que, aussi, les procès, les processus de consensus, etc., je veux dire, que ne sont pas effectivement que une sorte de couverture idéologique, mais qui font partie de l'ensemble, effectivement, d'un système de domination. Donc, ils sont liés aussi à tout un système, à toute une série de formes de modification, d'avancée en quelque sorte du système libéral dans le domaine du travail lui-même. Je ne pense pas qu'on puisse dissocier les deux. Bon, je pense qu'on ne mesure pas les effets de ces choses, j'entends, pour ce qui est de la possibilité de, en quelque sorte, de reprendre une certaine forme d'identité, quoi. C'est-à-dire que, bon, on peut, disons, en prévoir à long terme les effets, et probablement des effets un peu d'alternatifs, c'est-à-dire que, ou bien effectivement, on va vers des espèces de raidissement du consensus, et le fait qu'il n'y a plus de forme, d'alternative que des formes qu'on peut dire, effectivement, marginales, terroristes, ou que sais-je, bon, qui est une espèce de virtualité que porte le système actuellement. Bon, effectivement, il peut y avoir reconstitution de formes politique, bon, effectivement alternatives. Mais bon, c'est vrai que moi, je dirais que je ne vois pas comment elles peuvent se nommer, quoi. Ouais. Peut-être pour conclure, oui. Alors, Jacques Hergoat. Enfin, moi, je crois qu'on peut se demander si la conscience de classe va réapparaître. C'est une question. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à créer les conditions pour qu'elle réapparaisse. Bon, moi, je crois là-dessus. Alors là, que au-delà de toutes les spécialités des uns et des autres et des zones d'intérêt particulières, le problème est très directement politique et que bien évidemment, on est amené au bout du compte et au bout de la discussion à le poser comme tel. Tant qu'il ne sera plus possible de penser la transformation sociale dans ce pays, hein, il n'y aura pas de réémergence massive de la conscience de classe. Pour des raisons simples, hein, bon, je veux dire, j'ai du mal à croire qu'une succession de défaites, hein, un libéralisme qui écrase de plus en plus la classe ouvrière, une situation de type talon de fer, à la limite, suscite automatiquement, hein, une résurgence de la conscience de classe. Moi, je pense qu'on aidera à ce que réapparaisse et à ce que se refasse une santé, la conscience de classe, s'il y a un espoir qui réapparaît de transformation sociale. Bon, alors moi je crois que c'est à ça qu'il faut travailler. On sait, on devrait savoir, si on est lucide, qu'on aborde cette situation-là dans un rapport de force qui n'est pas bon. Je crois que aussi à sa manière, tout le monde l'a un petit peu dit par rapport à ça. Mais il faut essayer de continuer par rapport à ça et à tous les niveaux. Ce qu'on a essayé de faire, nous, avec la création de la revue liée à Politis, c'est de faire ça dans un champ qui est particulier, qui est un peu le champ de la production intellectuelle, de dire que vraiment, si on aborde aujourd'hui ce qui est à bien des égards un monde nouveau, ben oui, il faut discuter, nouveaux programmes, etc., etc. Bon, mais je crois que si on ne fait pas ça, si on ne donne pas un espoir politique, même la crise du syndicalisme, même la solution, même ce qui se passe du côté des exclus, même de manière individuelle ou collective, le niveau actuel de la conscience de classe, on aura énormément de mal à ce que ça bouge sans cette perspective-là. Claude Pentier, conclusion d'historien. Oui, quelle forme prendra la conscience de classe ? Moi, à vrai dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'aime bien un proverbe que cite des fois Michel Verret, pour savoir où je vais, j'ai dit d'où je viens. Et que pour aider, en effet, à ce que cette conscience de classe, qui sera forcément dans tous les cas différente, qui sera adaptée, qui sera une conscience de classe de catégories dominées, et ces catégories dominées se seront modifiées. Mais la conscience de l'histoire peut être un élément peut être un élément structurant. Et en ce sens-là, tout le travail qui est fait autour du dictionnaire biographique et cette exposition au visage du mouvement ouvrier que je vous incite à aller voir à l'Arche de la Défense est un élément de réflexion. Michel Verret, conclusion de sociologue. Ah, c'est gentil, c'est au bénéfice de l'âge. Moi, je dirais, conscience de classe, c'est comment des jeux vont-ils retrouver des nous s'ils les ont jamais perdus, ou donner à ce nous une existence historique. Alors, le jeu, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais il s'est développé dans l'individualisme de consommation, un individualisme de dispersion considérable, y compris chez les ouvriers, pour ne parler que d'eux. 44% des ouvriers français propriétaires de leur logement, ça change une conscience. Bien, cela dit, comment ce nous se retrouvera, nous défensifs du corporatisme, nous de classe, je ne sais. Ce que je peux simplement dire, c'est que si ça n'est pas des nous de classe et des nous de classe civilisés, instruits, comme vous dites, sachant où ils vont et portant des valeurs universelles, ça risque fort, à l'échelle du monde, d'être des nous de nationalisme ou des nous d'intégrisme, d'une manière ou de l'autre, parce que le jeu ne se passe jamais de nous. Et cette question-là me semble être une question qui dépasse la France. On n'en a pas parlé du tout ici, et c'est déjà très gentil de nous avoir invités comme Français. Mais c'est une question mondiale, à mon point de vue. C'est la question de classe, c'est une question mondiale. Daniel Ben Saïd, prendre le relais, conclusion de militant. Nos militantes, les précédentes n'étaient pas tellement contemplatives, donc aussi bien celle de militants révolutionnaires. Michel Verret. Mais non, mais je crois que c'est exactement ça. C'est pas un débat de sociologie ou de classification sur les classes. Finalement, c'est une notion stratégique. Est-ce qu'il y a un enjeu à construire, développer à partir d'une réalité sociologique et à finalement donner sa dimension consciente à un rapport de conflit de classe? Bon, ça, c'est une tâche effectivement politique. Elle n'est pas jouée d'avance, je suis d'accord avec Hergoat. Ça suppose quelles initiatives, quelle volonté, quelle opiniâtreté on y met. Mais sur l'enjeu, je suis complètement d'accord avec Michel Verret. On ne peut pas d'un côté prendre des airs consternés ou inquiets sur telle forme de fanatisme religieux ou de nationalisme exclusif, sans voir que c'est la contrepartie. Il y a une forme d'appartenance qui se définit. Et où une conscience d'appartenance qui a sa dimension universaliste, effectivement, parce que les classes, ça ne s'arrête pas aux frontières, ça ne s'arrête pas aux communautés religieuses, et c'était porteur d'une vision universelle. Où celle-là se reconstitue et l'emporte, où on aura les autres. Bon, et ça, c'est un choix, en tout cas, c'est un défi. Jacques Rancière, conclusion de philosophe. Oui, on ne pense pas que le philosophe ait quelque chose à dire de plus ici que ou le militant ou le sociologue. Je pense qu'effectivement, la question est la question, je dirais, de la, disons, de la structuration, finalement, duelle et dualiste de la société. Parce que peut-être que la lutte des classes a été liée à une vision du futur société sans classe, mais la lutte des classes a été aussi une manière, finalement, je dirais, de civiliser la démocratie elle-même. Parce que, bon, le système parlementaire lui-même n'a jamais suffi à la démocratie. Donc, dans le cadre même de la démocratie, je pense que la lutte des classes, c'est quoi aussi? C'est une manière, je dirais, de régler le conflit, c'est une manière de régler le rapport avec l'autre, quoi. Or, effectivement, là où cette structuration, bon, politique de la société, qui est aussi, justement, qui n'est pas une appartenance corporative, exclusive, identitaire, mais une appartenance à vocation universaliste, comme l'a dit Daniel Ben Saïd, bon, là où ça disparaît, effectivement, bon, c'est d'autres types d'appartenances qui viennent à la place. Patrick Thor ? Oui, je suis tout à fait solidaire avec les deux dernières conclusions et aussi avec les autres. Je suis absolument opposé à tout maniement de ce terme d'identité qui aujourd'hui est devenu de toute façon le terme fétiche de l'extrême droite en France. Et beaucoup plus largement, ce au nom de quoi se perdent tous les massacres contemporains. Effectivement, la lutte des classes et la solidarité internationale des classes avaient une dimension universelle. Il s'agirait peut-être de la retrouver. D'autre part, pour cultiver ces prudences nécessaires, pour cultiver l'idée notamment que les racines qu'on a derrière soi sont peut-être pas celles dont nous avons besoin. Les vraies racines, ce sont celles que l'on jette devant soi. Et ce qui peut donc nous délivrer de l'obsession identitaire, qui est toujours l'obsession des racines qui sont derrière, eh bien, je crois qu'il faut, d'une manière cohérente et d'une manière parfaitement concertée, réorganiser la rencontre aujourd'hui des intellectuels révolutionnaires qui travaillent sur le présent, pas simplement des marxologues ou des archéologues du mouvement ouvrier. Et il est très bien que nous possédions ces références. Ce n'est pas une critique à l'endroit du métron, bien au contraire. Je suis aussi un faiseur de dictionnaires. Un vaste programme, donc. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que à l'occasion de la parution du dernier tome du Métron, il y a des débats qui sont organisés à partir de ce soir, 20h, itinéraires syndicaux et ouvriers. Demain, samedi 6 février, 10h, intellectuels et mouvements ouvriers, 12h, itinéraires de femmes, 15h, itinéraires de militants chrétiens et 17h, élus locaux, militants et projets sur la ville. Tout ça pour poursuivre donc ce genre de réflexion. Le temps qui change, qui a peur de la lutte des classes, c'était une émission proposée par Marion Thibat, avec la participation de Claude Pentier, historien, directeur du Métron, Jacques Rancière, philosophe, vous enseignez l'esthétique à Paris 8, Daniel Pensaïd, prof de philosophie et membre du comité central de la LCR, Michel Verret, sociologue, Patrick Thor, philosophe, Jacques Kergoat, vous êtes économiste, rédacteur en chef de la revue de Politis, une revue qui va donc sortir un dossier au mois de juin, le 15 juin prochain, intitulé « Y a-t-il encore des classes sociales ». Jusqu'au 28 février, je rappelle donc la tenue de l'exposition associée au Métron sur le toit de l'Arche de la Défense, une exposition intitulée « Visages du mouvement ouvrier », une exposition qui ira ensuite en région. Quelques ouvrages pour mémoire, « Court voyage au pays du peuple » de Jacques Rancière, « Au seuil », et puis « La nuit des prolétaires » aussi, chez Fayard, un livre plus ancien, « Être marxiste aujourd'hui » de Patrick Thor, éditions Aubier, le numéro d'autres autrement, ouvriers ouvrières, le métron, bien sûr, aux éditions ouvrières, 43 tomes. Michel Verret, plusieurs ouvrages, l'espace ouvrier, le travail ouvrier chez Armand Collin, et puis la culture ouvrière chez L'Albaron, présence du livre. Un livre pour mémoire, Simone Veil, la condition ouvrière chez Gallimard en 1951. François Dubet et Xavier Laperroni, quartier d'exil au Seuil. Et puis Olivier Schwartz, le monde privé des ouvriers aux presses universitaires de France. Chargé de réalisation, François Connac. Prise de son, Arlette Adrian. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 février 1993. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La gratuité de sa morale, serait-ce ce que l'accusateur reproche au poète ? Et quand bien même. Et si le clin d'œil était une auto-contradiction ? Et s'il était important et non interdit d'être en même temps le scandale et l'imposteur ? Après tout, disait Jean Cocteau, je n'ai jamais prémédité le scandale, je le crois indispensable. Étonnante émission que ce procès des pontifes, diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 janvier 1949, avec une distribution de qualité. Le Club des Faits présente le procès des pontifes. Les auteurs arrivés, vus par ceux qui arrivent. Une émission de Pierre Pérou et Claude Roland-Manuel. L'accusé du jour est Jean Cocteau. Le défenseur, Boris Vian. L'accusateur, François-Régis Bastide. Les pièces à conviction seront lues par Marguerite Cassan et André Vard. Réalisation de Claude Roland-Manuel. Pierre Pérou vous présente l'émission. Le procès des pontifes n'est pas un jeu de destruction systématique, un jeu de massacre pour étudiants en veine de canular. Du reste, procès ne signifie pas condamnation, mais mise au point et clarté. Le procès des pontifes nous permet donc, d'abord, de réexaminer une importante figure de notre temps. Il nous permet ensuite de voir comment tel romancier de 25 ans réagit en face des 25 volumes d'un grand aîné, dans quelle mesure il se réclame de lui ou s'oppose à lui. Ainsi pourrons-nous, sans doute, apercevoir quelques tendances nouvelles. Un mot, enfin, pour vous éclairer sur nos audiences. Comme au palais de justice, nous entendrons le président préciser les reproches qui sont adressés à l'accusé, après quoi le ministère public et la défense pourront exprimer leur point de vue contraire. Enfin, nous donnerons la parole à l'accusé, qui aura toute latitude pour se justifier à l'aide de son œuvre. Le procureur et l'avocat sont toujours deux jeunes confrères du pontife prévenu. Le réquisitoire est prononcé aujourd'hui par François-Régis Bastide, auteur de La Lettre de Bavière et d'un roman psychologique, La Troisième Personne. Ensuite, ce sera la plaidoirie de Boris Vian, auteur de plusieurs romans d'inspiration baroque, dont L'écume des jours est sans doute le plus important, et traducteur habituel de l'américain Vernon Sullivan. Cocteau Jean, né le 5 juillet 1889, à Maisons-Laffitte, Seine-et-Oise. Auteur dramatique, romancier, essayiste, dessinateur, cinéaste, acteur à l'occasion. Pour les uns, poète à 100 facettes, poète en tout genre, poète sensible dont les jeux cachent la pudeur. Pour les autres, fabricant habile, capable à force d'art de donner l'illusion des élans du cœur. Homme plus intelligent qu'ému. Jean Cocteau, on a dit de vous que la gentille France n'avait pas de causeur, d'accompagnateur de ses délices, de maître de ballet, de chef de protocole, plus gentil que vous. On a acclamé ou vilipendé votre génie jaillissant ou vos chaînes de fabrication, votre générosité ou votre égoïsme. On a dit que vous étiez avant tout un homme de conversation et on vous a comparé à Fontenelle, auquel vous avez emprunté votre dernier titre, La difficulté d'être. Il faut éclaircir tout cela sans plus attendre. L'accusation, en la personne de François-Régis Bastide, a la parole. En vérité, ma dette de reconnaissance envers M. Jean Cocteau est trop grande pour que je puisse me permettre aujourd'hui de prononcer contre l'auteur des Enfants Terribles un réquisitoire que ma jeunesse rendrait suspect. Nous sommes nombreux, très nombreux, qui, lorsque nous étions adolescents, du fond de notre province où patiemment nous attendions de prendre l'envol de Julien Sorel, blottis amèrement au creux de notre lycée de poussière, ramassés sur nous-mêmes, sur nos premiers appétits, sur nos premières défaites, éclairés seulement par les ignobles théâtres de tournée, par les académiques conférenciers, nous sommes très nombreux, dis-je, qui nous sommes réunis le soir, seuls, en haut des maisons, mal réveillés, en âge, et avons rafraîchi notre fièvre au poème miraculeux de Jean Cocteau. Et plus tard, à l'âge où, enfin parisien, l'on va frapper à la porte des poètes que l'on a lus, enfant, et où on leur quémande une solution, un conseil, une vague promesse, un sourire mince, même, j'ai trouvé des fossiles de grimoire. Chez Jean Cocteau seul, j'ai trouvé la chambre de rêve, et l'homme exact de mes rêves, un poète vivant. C'est peut-être de vous avoir tant aimé, Jean Cocteau, à l'âge où l'on veut aimer, qui me rend maintenant si hardi pour exiger ce que vous n'avez pas donné. Mais quoi, dira-t-on ? Et je pense que la défense ne manquera pas de le dire très haut. Le poète qui a donné des poèmes et des poèmes de romans, de drames romantiques et des comédies de boulevard, des journaux intimes et des manifestes littéraires, des critiques de littérature et de peinture, des albums de dessin et des films, l'homme qui a été l'étincelle de toute la vie musicale d'après 1920, vous allez lui reprocher de ne pas avoir assez donné. Non. Je veux dire par là que Jean Cocteau a beau se consumer d'expériences esthétiques, je lui reprocherai seulement de s'être trop souvent pris au jeu et de ne s'être pas trouvé lui-même. J'ai caché le drame du Potomac sous mille faces, écrivait-il au début de son âge. Je m'y reprocherai seulement de ne s'y être pas retrouvé. Je sais bien que le public est très fautif. Je sais qu'on a élevé Jean Cocteau dans le plus dangereux des mythes, celui des enfants prodiges, et qu'on lui a lentement, insidieusement, à coups de sourires, de bonbons, de salons bourdonnants, suggéré qu'il mourrait s'il avait une seconde de trac sur sa corde raide, s'il ne se métamorphosait pas tous les soirs. Il avait des tics, c'était là son génie. Il en a fait des clins d'œil au public pour le rassurer. Je vois bien, la défense ne peut s'empêcher de réagir. Ce ne sont pas les tics, comprenez-moi bien, que je reproche, mais les clins d'œil. C'était un enfant doué, un enfant terrible. Il fallait le laisser faire et le laisser aller seul dans la voie du renoncement qu'il aurait fatalement trouvé et où l'exercice de son art se serait épanoui. J'irai plus loin. Après L'Aigle à deux têtes, Jean Cocteau écrivait « L'art ne vaut à mes yeux que s'il est la projection d'une morale ». Mais à la fin de La difficulté d'être, où il s'examine avec une rare lucidité, intrépide et stupide, il te fallait prendre un parti, de la limite, la difficulté d'être, puisque pour ceux qui embrassent une cause, ce qui n'est pas cette cause n'existe pas. Mais toutes les causes te sollicitent. Tu as voulu ne te priver, de glisser entre toutes et faire passer le créneau. Toute l'exigence de Cocteau était donc là, ne se priver d'aucune cause, se laisser prendre à tous les pièges, construire soi-même sa légende, tapageusement. Je veux dire, ne pas empêcher le public d'y croire, laisser monter à lui tous les rythmes maladifs de son enfance et en faire ses lois de grande personne. L'enfant terrible était devenu Jean l'imposteur. Ce n'est certes pas d'avoir fait scandale que je reprocherais à Jean Cocteau. Ce n'est pas d'avoir secoué quelques braves gens en torpeur. ni d'avoir posé les énigmes au-dessus des têtes pensantes, même si elles éclataient de façon infernale. Ce n'est pas de cela que je parle, et je lui sais gré d'avoir montré ce cas de scandaleux, de surhumain, la situation du poète en notre société, et particulièrement en notre société française. Mais je lui reprocherai d'avoir prouvé, involontairement je suppose, qu'on peut être en même temps le scandale et l'imposteur d'un scandale, et d'avoir ainsi gâché le métier de scandalisateur déjà si rarement exercé. Ainsi, à la fin de Thomas l'imposteur, que je tiens pour un des plus beaux récits français, lorsque le jeune Guillaume Thomas, défiant les balles allemandes, crie « Fontenoy !», tombe et se dit aussitôt « C'est son dernier. » Semblant d'être mort, je me demande si la balle était si mortelle que cela, et personne ne m'empêchera de penser qu'elle ne l'était pas, et que Thomas l'imposteur est mort d'avoir fait semblant de l'être. De même, Jean Cocteau risque fort de mourir d'une allégorie fulgurante. Il y a plus encore. Grâce à son extraordinaire pouvoir de métamorphose, qui est sans aucun doute le propre du poète, mais faute de s'être cherché lui-même, Jean Cocteau a derrière lui une œuvre dont la splendeur glacée nous séduit, mais où je crains bien que manquent les cris d'amour. Je vois que je vous fais frémir, mais il me semble tout de même qu'en parlant de Cocteau, on a souvent évoqué Ronsard, qui lui aussi est un poète de sang et de neige. Je crains fort que par la suite, le nom de Malherbe ne soit plus souvent prononcé. Les héros de Jean Cocteau, ceux de son théâtre, de ses romans, de ses films, semblent tous avoir adopté comme règle de vie la dernière phrase du grand écart. Jacques se sentait devenir sombre. Il savait bien que pour vivre sur terre, il faut en suivre les modes, et le cœur ne s'y porte plus. Je sais que cette phrase ressemble à une certaine autre dernière phrase que prononce le lieutenant Lucien Levenne à la fin d'un grand livre, et qu'il y a chez Jacques Forestier, chez Jean Cocteau, dans ce grand écart acrobatique qui sépare l'adolescence de la jeunesse, une forte teinte de bellisme. Mais quelle différence! Les héros de Stendhal ne parviennent au degré de sécheresse convenable qu'à force de passion contenue et inavouée, comme celle de Lucien Levenne pour Madame de Chastelet, celle du petit consul de Civitavecchia pour Méthilde. À ce prix, la sécheresse, quand elle dit dans le même temps qu'elle dessèche, ce qu'elle dissimule est admirable, plus excitante qu'une épopée. Mais voyez au contraire Thomas, Forestier, Paul et Élisabeth, Édipe, Galade, Renaud comme Armie, Michel même, des parents terribles. Ils semblent tous, à première vue, disposés à la passion. Mais on les sent toujours sujets à se laisser abattre par l'improviste qui circule dangereusement le long de leur vie. Vient un moment où un mécanisme divin, je crois, dans l'esprit de Jean Cocteau, les pétrifie. Et c'est dans cette pierre que réside le secret de l'extase coctique. Cela peut donner au cinéma de fort beaux résultats, au théâtre même, quand il s'agit d'Orphée, et c'est ce que la Défense dira certainement tout à l'heure. Je me demande, moi, si cet art est vraiment la projection d'une morale humaine. Je me demande si les héros de Cocteau sont vivants, puisque lorsqu'ils ne sont pas pierres, ils sont mélodrames, et qu'ils ne nous émeuvent que par cette pierre ou par ce rouge et or, jamais d'une autre façon. Encore une fois, cédant maintenant la parole à la Défense, avec qui je suis tout disposé à applaudir Jean Cocteau comme un des grands poètes français, je dirais que celui qu'on m'a demandé d'accuser m'est trop cher pour que je ne me sois accablé moi-même. Mais je dois aller jusqu'au bout, messieurs, et dire que puisque le chef-d'œuvre de Cocteau, c'est Jean Cocteau, je demanderai la tête de Jean pour laisser Cocteau grandir. La parole est à Boris Vian, pour la défense de Jean Cocteau. Messieurs, avant de plonger l'accusation dans la confusion qu'il lui a plu d'encourir, je crois de mon devoir de résumer ses chefs principaux, car si j'ai personnellement eu le temps de saisir leur essence étant donné ma longue pratique de la justice, je doute que l'auditeur honnête puisse se trouver au même point. Et quand bien même d'ailleurs, vous avez déjà tous compris il entre dans mon plan de démoraliser l'adversaire par des griefs dont le manque de fondement ne pourra que renforcer l'efficacité. Voici donc ce que Bastide reproche à Jean Cocteau. D'une part, les clins d'œil systématiques au public. Il aurait même pu dire les clins d'yeux, car Cocteau se sert sûrement des deux. D'autre part, la gratuité de sa morale. Toutes les causes te sollicitent, tu as voulu ne te priver d'aucune, de glisser entre toutes et faire passer le traîneau, gâchant ainsi, dit Bastide, le métier de scandalisateur. Et enfin, sa sécheresse et la part trop grande faite au mécanisme qui, chez lui, arriverait à tuer la passion. Allons, Bastide me rend la tâche aisée. Encore faut-il que je surveille mes arguments, car, selon le docteur Pérou, tous ceux qui parlent de Cocteau arrivent à se contredire. Se contredire. Revenons à ce clin d'œil. Qu'est-ce donc qu'un clin d'œil, sinon une auto-contradiction ? Contradiction systématique, c'est donc cela, Bastide, qui vous gêne en lui. Mais c'est une illusion. Il ne peut y avoir de contradiction réelle que dans la simultanéité, dans la dualité par conséquent. Et le clin d'œil, la contradiction, relève d'un souci de vérité bien plus grand que celui de ces gens qui regardent l'eau s'en aller tout droit, sans se demander quel mystérieux trajet en suivent à chaque instant les molécules. Mais écoutez, c'est Cocteau lui-même qui parle dans la noce massacrée. La sincérité serrée de chaque minute même, lorsqu'elle offre une suite de contradictions apparentes, trace une ligne plus droite, plus profonde que toutes les lignes théoriques auxquelles on est souvent tenu de sacrifier le meilleur de soi. Ce clin d'œil au public, mais non, ce n'est qu'un souci de sincérité. Et comment lui en tenir grief ? N'est-ce pas la plus belle honnêteté que celle qui consiste à douter de la sienne propre ? Voici donc le premier point de Bastide, réfuté, je pense, complètement. Mais passons au second reproche. Cocteau a-t-il réellement gâché le métier de scandalisateur ? Cela, je ne le crois pas non plus. Car donner tort à celui qui gâche un scandale, c'est considérer alors comme scandaleux le fait de ce gâchage. Celui qui gâche un scandale ne fait donc ainsi qu'en créer un autre. De même, la vérité du mensonge est l'acte de celui qui ment. Et j'ose à peine réfuter la troisième accusation dont Cocteau se trouve aujourd'hui l'objet. Je sais qu'elle est liée à tout un arsenal de reproches. Jean est plus mécanicien que poète. Un poète est irresponsable, Jean ne l'est pas. C'est à voir. Quand on est doué comme lui, on ne peut guère faire autrement. Cocteau en a trop fait. Mais rappelez-vous cette devise qu'il prend pour sienne, encore dans la noce massacrée. Un peu trop, c'est juste assez pour moi. Non, je sais que c'est la part de hasard, d'arbitraire, ce que l'on appelle, dans un film comme La Belle et la Bête, la fausse poésie de Cocteau. Je sais que c'est tout ça qu'on lui jette à la figure quand on ne sait plus quoi dire. Mais certes, Cocteau a envie qu'on l'aime. Certes, il fait ce qu'il faut pour cela, au risque de se voir reprocher ses clins d'œil, sa froideur, ses artifices. Et que m'importe ? C'est ça que j'aime, moi, la fausse poésie, le faux lyrisme, la fausse morale, tout cela. Parce que toute cette fausseté, c'est du vrai Cocteau. L'accusé a la parole. L'accusé ne s'est pas présenté. En son absence, nous donnons la parole à son œuvre. La vie d'un homme pur ne doit être faite d'aucun acte qui se puisse légitimer sans effort devant les tribunaux. Et les tribunaux ne valent jamais l'effort d'un homme pur. Un homme pur cesse de l'être dès qu'il combine, dès qu'il accepte une position favorable et profite d'un parti. Est-ce une défense ? Non. Eh bien, en l'absence de défense, nous vous livrons les 7 premières pièces à conviction. Première pièce extraite de... Des Beaux-Arts considérés comme un assassinat. Les statues... Vives. Les perspectives... Tu. Nous vous livrons quelques statues. Deuxième statue. Les cheveux gris qu'en jeunesse les portes font doux les yeux et le teint éclatant. Je trouve un plaisir de la même sorte à vous voir, beaux oliviers du printemps. Tout de votre adolescence chenue me plaît, moi qui suis le soleil d'hiver, et qui, comme vous, sur la rose nue, penche un jeune front de cendre couvert. Troisième pièce. Eh, eh, yé, yo, yé, oui, oui, yo, yé, aoé, iaoé. Auya ou aoé, yo, yo, yo, yu. Aïe-o-u, uae, oui-oui, yo-ué, oé-o, yé-yé, et écoute la musique des étoiles. Quatrième pièce à conviction. Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou, car je pense à la mort, laquelle vient trop vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre paix? Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur. Quoi, ce timide oiseau replié sur le songe déserterait son nid où notre corps à deux têtes s'allonge par quatre pieds finis. Puisse durer toujours une si grande joie qui cesse le matin et dont l'ange chargé de construire ma voix allège mon destin. Léger, je suis léger sous cette tête lourde qui semble de mon bloc et reste en mon abri muette, aveugle, sourde malgré le chant du coq. Cette tête coupée allée en d'autres mondes où règne une autre loi, plongeant dans le sommeil des racines profondes, loin de moi, près de moi. Ah, je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge souffler jusqu'à ma mort. Cinquième pièce, le train musical. 12 statues dans un pré d'étoffe rouge drapée et qui usent de la ruse en usage sur les frises, ah, ah, après chaque assassinat. Enroulement du profil sur une bobine à fil, linge et fausse vache sous de fausses taches. De ces taches empourprées, 12 statues dans un pré se dépeignent, baignent, plaignent, saignent et me font des signes, ah, ah, avec des mognons de bras. Regardez ce pré de près, il vous livre ses secrets. Ciel, ses linges et ses langes d'anges n'étaient que les singes. Ah, ah, fuyez vite ce pré-là. Linge lynché ou pendu, sang des marbres répandus sont votre musique, fil télégraphique. Sixième poème. L'usine à faire les morts avait son service d'hygiène. Tous les jours, 200 condamnés vont à la douche. 200 bestiaux tout nus, sauf le bracelet matricule. Ils se débattent presque tous tellement ils ont peur de l'eau. Ils veulent garder leur chemise. Mais les fusiliers marins savent la valeur de l'eau douce qu'on respecte comme une vierge sur les voiliers. On met les capotes, les casques, à bouillir dans une étuve. Les casques, on dirait des moules. La chaleur charme les poux. Septième et dernier poème. Les anges maladroits vous imitent, pigeons. Vous saluez Marie. Eux, devant leur guérite, gardent la France. Hélas, nous les décourageons. Toute la nuit, le ciel cueille des marguerites. La dernière cueillie, on ouvre les volets. Voici venir l'automne et la chute des anges. Les anges répandus comme le pot au lait. Arbre en or, l'opéra donne beaucoup d'oranges. C'est surtout vers le haut que le public les mange, car vers le bas, manger des oranges déplaît. Ce poème en divers est-il beau, est-il laid? Il n'est ni laid ni beau, il a d'autres mérites. ...1938, les parents terribles sur la scène des ambassadeurs. La sopéra. Ils ne peuvent pas nous entendre de l'atelier. Mais tu, vous savez bien que non. Tu me dis-vous? Il me serait impossible de vous tutoyer, pardonnez-moi. Oh, à ton aise. Moi qui te demande s'ils peuvent nous entendre de là-haut. Tu m'as enfermé deux fois là-haut, les deux premières fois que ta sœur venait te rendre visite. C'était Michel. Oui. C'est admirable. Et après, tu as trouvé plus commode de me faire louer un pied-à-terre. Pourquoi continuais-tu? Pourquoi mentais-tu?

Que m'importe mon règne, ma femme et mes proches? Pourrais-tu des soldats admettre les reproches? Pourrais-tu supporter leur outrage muet? Quelle ivresse en mon cœur, ce tambour remuait, roule tambour! Tu m'en voudras de ta traîtrise! Cette décision armide, je l'ai prise! Tu ne m'aimes donc pas? Cruel! Que me dis-tu? J'essaie avec horreur d'exciter ta vertu. Pour allumer en toi la flamme du courage, je redresse mon cœur secoué par la rage. Je me demande au fond d'un affreux désarroi si je n'aime qu'un homme, ou bien si j'aime un roi. Rien n'est d'un pauvre cœur qui soit même sans pute. Je me condamne à mort et ma main m'exécute. Ma mort sera d'attendre, attendre en ce palais. Est-il un prince aimé, Renaud, comme tu l'es? Je m'oblige au devoir. Je tremble de me vaincre. Contre toute mon âme, il me faut te convaincre. J'empêche de bondir un cœur mal enfermé, cruel. Et tu me dis que tu n'es pas aimé. Se peut-il que le ciel nous joigne et nous sépare? Que je laisse l'amour se soumettre à la gloire? Aimons-nous, oublions, vivons, restons ici. Renaud, à me convaincre aurais-tu réussi? Je cède. Mon effort arrive à ses limites. Je ne me souviens plus des choses que j'ai dites. Peut-on brûler d'amour et se le reprocher? Mets ton navire en fuite avec notre bûcher, brûlons! Aimons. Novembre 1946. L'aigle à deux têtes au théâtre Héberto. La Totéa! D'où croyez-vous donc que je sorte? Des ténèbres qui sont ce qui n'est pas vous. Et qui m'y a cherché dans ces ténèbres? Qui m'y a dépêché des ondes plus rapides que des ordres? Qui a fait de moi ce somnambule qui rampait, qui s'épuisait, qui n'entendait que les chiens, les balles et les coups frappés par son cœur? Qui m'a tiré de roche en roche, de crevasse en crevasse, de broussaille en broussaille? Qui m'a hissé comme avec une corde jusqu'à cette fenêtre maudite où je me suis trouvé mal? Vous! Vous, car vous n'êtes pas de celles que le hasard visite! J'étais ivre de faim et de fatigue, ivre d'orage, ivre d'angoisse, ivre de ce silence qui me déchirait plus qu'un cri. Et j'ai eu le courage de me reprendre, de redevenir cette idée fixe qu'on me demandait d'être, que je n'aurais jamais dû cesser d'être. Je tuerais. Cette chambre deviendrait la chambre de mes noces et je l'éclabousserais de sang. Ah, je comptais sans vos ruses profondes. À peine avais-je cessé d'être un homme que vous redeveniez une femme. Vous vous y connaissez en sortilège et en machine de féerie. Vous usiez pour faire de moi un héros de toutes les armes qu'une femme emploie pour rendre un homme amoureux. Je vous ordonne de vous taire. Il me semblait que vous aviez décidé, entre autres choses, d'abolir le protocole et que nous traitions d'égal à égal. C'était un pacte entre ma mort et moi. Ce n'était pas un pacte entre une reine et un jeune homme qui escalade les fenêtres. On a escaladé vos fenêtres, quel scandale! Eh bien, criez, sonnez, appelez, faites-moi prendre par vos gardes, livrez-moi à la justice. Ce sont encore des sensations de reine. C'est vous qui criez, qui ameuterez le château. Ameuter le château, être arrêté, exécuté, je m'en moque. Vous ne voyez pas que je deviens fou? Tirez! Ne me tentez pas. Dans quelques secondes, il sera trop tard. Tout l'amour qui me poussait au meurtre se retourne en moi comme une vague. Je suis perdu. Dois-je répéter mes paroles? Si vous ne m'abattez pas, je vous abats. Ah, mais tuez-moi donc. Achevez-moi qu'on en finisse. La vue du sang vous dégoûte? J'aurai au moins une joie si mon sang vous soulève le cœur. L'accusé n'est toujours pas là, mais nous avons de lui certaines déclarations écrites. Les voici. Nous vivons dans un monde où tout doit pouvoir s'expliquer. Où le tribunal interroge, où la police malfaite fait observer du dehors les secrets de famille. J'imagine une descente de police dans une toile de Quirico comme dans une chambre de poète. Il vaudrait mieux laisser faire et se laisser couper le cou. Dans ma chambre, le moindre objet témoigne contre moi. Les murs, les arcades, les ombres, les statues équestres, les légumes sont suspects. L'illégal me va. Le ciel choquerait la terre. Il suffit de contempler la démarche de Jésus pour comprendre que le ciel ne saurait être officiel. Notre croisade sera de scandaliser par amour. Je n'ai jamais prémédité le scandale, je le crois indispensable. Je couche les dormeurs. Je n'ai jamais d'argent et chacun me croit riche. J'ai le cœur sans écorce et chacun le croit sec. J'estime que l'art explique la morale et qu'on ne peut se renouveler sans mener une vie dangereuse et donner prise à la médisance. Le bon écrivain frappe toujours à la même place avec des marteaux de matière de taille différente. Le son change. La brièveté, la précision, la promptitude, le contour, voici de quoi nous faire prendre pour des écrivains hermétiques. Tout chef-d'œuvre est fait d'aveux cachés, de calculs, de calembours hautains, d'étranges devinettes. On s'apercevra vite que mes calembours n'étaient pas l'esprit, mais le cœur de mon livre. Recueillons enfin une ultime déclaration de l'accusé. Lorsque mes successeurs verront mon aventure, les ressorts, les chaos de ma belle voiture, ils s'émerveilleront d'un si noble parcours. Mais ceux qui maintenant regardent mon passage me trouvent maladroit, chacun se jugeant sage, et veulent imposer leur route à mes amours. Quoi ? Vous avez écrit le cap, vocabulaire ? Vous écrivez ceci ? Vous ne pouvez me plaire. L'homme aime l'uniforme et qu'on n'en change point. Mais après notre mort se livre notre course. La voiture s'étoile ainsi qu'une grande ours. Et nos fruits aigrelets se révèlent à point. Nous sommes heureux et soulagés d'avoir quelques minutes pour entendre Jean Cocteau lui-même interpréter de nouvelles pièces à conviction. Un tribunal se doit de ne pas avoir de conviction précise a priori. Et c'est pourquoi nous avons nommé pièces à conviction tous les morceaux produits par souci d'objectivité, nous refusant à prendre parti pour ou contre tel ou tel acte de l'accusé et ne visant qu'à présenter dans un délai fort limité les aspects les plus opposés de l'œuvre de Jean Cocteau. Ce caractère d'accusation peut avoir égaré le jury. Ce souci d'opposition peut nous avoir égaré nous-mêmes. Nous prions Jean Cocteau de porter remède à notre choix par l'entremise du phonographe. Huissier, posez l'aiguille. Un autre poème, à l'encre bleue. L'erreur judiciaire porte sur les mots « encre » ou « encre ». En réalité, le marin attendait une lettre écrite non à l'encre bleue, mais à l'encre bleue, enseigne d'un bar du port. Par une malchance fatale, après le crime, la police ramassa près du col de la vareuse du marin français un stylographe de marin américain rempli d'encre bleue. Il est admissible ensuite que le marin, mais lequel, s'étant endormi sans éteindre, la femme, l'œil collé au trou de serrure, est vue du corridor sur l'épaule, ou plutôt sur la surface d'épaule ayant la forme capricieuse du trou de serrure, une encre de ce bleu magique employée par les tatoueurs chinois et facile à confondre avec l'encre Waterman. Et voici pour finir la préface sonore de Cocteau à Œdipe Roy. On se représente toujours la Grèce comme une colonne blanche. Imaginez maintenant un lieu brûlé, aride, sous un ciel farouche. Des murs de pierre, des murs de briques, des grilles, des égouts, des chambres basses, des portes secrètes, des métamorphoses, la peste. Là s'entre-dévore de grandes familles en costume de Romanichel et dont les mœurs ressemblent beaucoup à celles d'insectes souterrains. Emplacement idéal pour les dieux qui aiment bâtir et poser des pièges. Les dieux grecs ont la cruauté de l'enfance et leur jeu coûte cher aux mortels. Sans le savoir, Œdipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Je vois une route. Un jeune homme marche avec un bâton. Il approche de Thèbes. Soudain, il s'arrête. Il y a là quelque chose qui bouge. Quelque chose de petit, de suspect. Quelque chose qui fait battre et qui lève le cœur. C'est le sphinx. Une espèce d'oiseau-femme, de femme-chienne, de chienne-oiseau, de chienne qui chante, d'oiseau méchant qui pose des devinettes. Si on ne devine pas ces devinettes, il vous tue. Et le petit sphinx bloque la ville de Thèbes. Il y met la famine et le deuil. Œdipe a deviné l'énigme. Le sphinx est mort. Ce sphinx n'inspire aucune confiance. Je lui trouve l'air d'un gibier placé là par les dieux, comme les chasseurs de lions en disposent devant leurs pièges. Devinez l'énigme. Exterminez le sphinx. Il y a de quoi tourner la tête d'un jeune lion et lui cacher la trappe. Édipe est beau. Il entre à Thèbes. On l'acclame. On le porte en triomphe. Même il épouse la reine Jocaste, veuve de Laïus. Il est roi. C'est maintenant au jury seul que nous nous adressons, c'est-à-dire à vous qui nous écoutez. Les accusations portées ce soir vous paraissent-elles justifiées? Il faut nous le dire. Êtes-vous de l'avis du défenseur? Il faut encore nous le faire savoir à l'adresse du tribunal, 37 rue de l'Université, Paris 7e. L'audience est levée. Entendu le procès des pontifs, une émission de Pierre Perroux et Claude Roland-Manuel. L'accusé de ce jour était Jean Cocteau, l'accusateur François-Régis Bastide, le défenseur Boris Vian. Les pièces à conviction étaient lues par Marguerite Cassan et André Var. Présentation de Pierre Perroux, réalisation Claude Roland-Manuel. Quel courrier parvint aux 37 rue de l'Université Paris 7e, mystère. Ce que l'on sait, c'est que ce procès des pontifes fut diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 janvier 1949. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La situation politique en Grèce est pour le moins confuse. Nous sommes le 5 février 1947 et le pays est en proie à une vraie guerre civile au tout début de la guerre froide. Les journalistes reçus par Paul Guimard arrivent tout juste de là-bas pour lui livrer un point plus précis sur la situation. La formation d'un nouveau gouvernement n'a pas calmé les guérillas et les maquisards ont pris les armes. C'est la Tribune de Paris. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La crise ministérielle a été résolue à Athènes par la formation du gouvernement Maximos. Sur les confins helléno-yougoslaves et helléno-bulgares, les activités de guérilla continuent. Que se passe-t-il exactement en Grèce? C'est la question à laquelle répondront ce soir quatre journalistes qui en reviennent. Jean Durkheim, de ce soir. Pierre Frédérics, de l'agence France Presse. Roger Grenier, de Combat. Et Bernard Valéry, de France Soir. Paul Guimard va mener le débat. Eh bien, messieurs, nous lisons chaque jour dans les journaux tant de nouvelles contradictoires concernant la Grèce que nous vous avons réunis ce soir pour tenter de savoir exactement de quoi il retourne. En d'autres termes, pourquoi se bat-on en Grèce et qui se bat contre qui? Si vous voulez, nous passons d'abord la parole à Pierre Frédérics. Les hommes qui tiennent le maquis en Grèce sont évidemment, en immense majorité, des gens qui ont été les opposants du gouvernement au moment de la révolution de décembre, qui ont été poursuivis, pourchassés, traqués, qui se sont peu à peu transformés en hommes du maquis, des gens qui n'ont pas cru aux amnisties ou qui n'ont pas pu se fier aux amnisties qui leur ont été offertes, des gens qui sont restés les uns dans le maquis par passion et par opposition absolue au gouvernement et les autres simplement parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans les légalités et parce qu'ils estiment que le gouvernement actuel représente une force de réaction et l'illégalité en Grèce. Mais peut-on parler de guerre civile? Oui, certainement, il y a une guerre civile en Grèce. Cette guerre est, je crois, d'assez peu d'étendue, les effectifs sont très petits, mais c'est tout de même une guerre civile caractérisée. Jean Durkheim. Bien, je partage à peu près totalement l'opinion de mon confrère Frédérix. Je serais peut-être plus absolu que lui en ce qui concerne les motifs qui font que les partisans tiennent actuellement le maquis. Je viens de passer 5 semaines avec les partisans et tous m'ont précisé que leur plus grand désir était de rentrer chez eux et qu'ils ne tenaient pas du tout à rester le plus longtemps et à mener cette vie effroyable qu'ils mènent actuellement dans les montagnes gelées de la Grèce, de la Macédoine et de la Thessalie. Tous ont été, selon ce qu'ils m'ont dit, et dans les cas où j'ai pu le vérifier, j'ai constaté que c'était exact, tous ont été contraints littéralement par le terrorisme des gens au gouvernement de quitter leur demeure et de se rendre dans la montagne. Une fois dans la montagne, ils se sont groupés et comme il n'y a pas de meilleure défense que l'attaque, ils ont capturé les armes à leurs ennemis lorsqu'ils les ont trouvés isolés pour arriver progressivement à former de véritables unités hiérarchisées, organisées et coordonnées sous les ordres de chefs ayant autrefois participé à la résistance. Ils sont arrivés à former des troupes très nombreuses. Certaines d'entre elles se composent de plus de 400 personnes. Je les ai vues. Par exemple, la bande du colonel Sofianos, qui a participé à l'attaque de Skra, possède un armement extrêmement moderne, l'armement anglais, exactement le même armement que l'armée grecque, puisqu'ils l'ont conquis à l'armée grecque, avec quelques armes italiennes et allemandes, qui ont été récupérées sur ce que le gouvernement appelle les forces supplétives de la police, et qu'on connaît plus généralement sous le nom de terroristes de droite. Roger Grenier. Oui, je pense, comme dit Durkheim, que c'est le gouvernement qui, en grande partie, contribue à constituer le maquis par sa politique de répression. J'ai vu les villages grecs se vider. Dans les villages, on n'a pas le choix. On est pris entre le maquis et les forces de répression du gouvernement. Ou bien il faut aller se réfugier dans les villes, ou bien il faut partir dans le maquis. De sorte que la misère menace la Macédoine, tous les paysans désertent les champs, les semences n'ont pas été faites et on se demande s'il y aura des récoltes. Et de quel côté est le terrorisme, à votre avis? Des deux côtés, je n'hésite pas à le dire. Bernard Valéry. Je suis d'accord avec Grenier. Évidemment, Monsieur Durkheim a l'avantage sur nous. C'est que lui, il a été avec le maquis, tandis que moi, par exemple, j'ai essayé événement d'y aller, je n'ai pas réussi, mais enfin, j'ai passé 2 semaines en Macédoine, et assez près, enfin, dans la contrée du maquis. Et l'impression que j'ai, c'est une expression dans l'extérieur, c'est que ce n'est pas aussi organisé, aussi uni que Durkheim le fait ressortir. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens absolument conscients, et j'ai également entendu parler de ces groupes de partisans parfaitement bien entraînés, etc. Maintenant, il y a d'autres qui sont moins bien organisés, qui se réunissent pour une nuit, qui disparaissent ensuite. Ensuite, il doit y avoir également, il y en a toujours en Macédoine, il doit y avoir encore des bandits purs et simples, des voleurs de moutons, n'est-ce pas, qui passent leur vie dans les montagnes, plus ou moins. Mais le gros est évidemment constitué par des partisans parfaitement conscients de ce qu'ils font, endoctrinés, si on veut dire, et... ce sont ces gens-là qui mènent le gros de la lutte. Maintenant, ce qui est intéressant, enfin, puisque tout le monde a été d'accord jusqu'à présent, je crois que ce qui est intéressant à savoir, c'est à quel point ces gens-là, à quel point les accusations du gouvernement grec, que ces gens-là sont armés et guidés de l'extérieur, sont-elles vraies? Alors, je voudrais que mes collègues, qu'on engage un peu le débat là-dessus. C'est le point le plus intéressant. Il ne faut pas oublier que d'ici quelques jours, la commission de l'ONU va arriver en Grèce. Et d'ailleurs, il y aura ensuite en Yougoslavie, en Albanie. Et ce sera là le grand point, c'est la projection internationale du cas grec, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant de savoir ce que mes collègues pensent de ça. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention étrangère dans les affaires grecques? Roger Grenier. Je pense que même si les voisins slaves de la Grèce ne peuvent que souscrire à l'action antigouvernementale des partisans, ils n'ont pas besoin de donner des preuves de leur aide effective pour voir le mouvement se développer. Il n'y a qu'à laisser faire. D'ailleurs, le gouvernement grec... justement, comme nous le disions tout à l'heure, terrorise assez la population pour favoriser à lui seul une insurrection, et une rébellion contre lui. Pierre Frédérix. Je crois que l'intervention étrangère, sous sa forme active, est extrêmement faible. Et rien, n'a été fourni comme preuve par le gouvernement grec. Du contraire, à l'heure actuelle, les armes, il est toujours facile d'en trouver dans un pays, surtout après une période de grande guerre internationale et de guerre civile. Les cartouches sont également faciles à trouver. Il est possible que, On trouve et qu'on passe par-dessus la frontière quelques cartouches et quelques armes, mais tout ça sont des mouvements sporadiques qui ont existé pendant des dizaines d'années dans cette partie des Balkans, qui ont existé en Macédoine, qui relèvent de l'activité normale des comitadji. Je crois, contrairement à ce que disent les gens d'extrême gauche, que les partisans passent la frontière à l'aller et au retour, dans les deux sens. Je crois qu'ils trouvent refuge, asile et repos de l'autre côté, mais je crois que l'aide effective, active, donnée par l'étranger aux partisans grecs est extrêmement faible. Ce sont plutôt des encouragements moraux et un lieu d'asile et de repos qu'il leur est fourni. Oui, certains de vos confrères ont tenté d'établir un parallèle entre cette affaire grecque et la guerre d'Espagne. Il n'y en a aucun possible. Non, mais il y a. Mais pardon, je crois que c'est une image qui est employée dans le sens suivant. Je crois que ça. Vous permettre d'indiquer que c'est Bernard Valéry qui parle. Ça ferait comprendre ce qui se passe, je crois, si je posais la question suivante. Si demain, en Espagne, il y avait un maquis actif, comme en Grèce, de 8 à 10 000 habitants, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait par rapport à la France? Je crois que la France se trouverait. Franco accuserait la France d'exactement les mêmes faits ou les mêmes méfaits que le gouvernement de Tsaldaris, enfin le gouvernement d'Athènes, a accusé jusqu'à présent la Yougoslavie. C'est à peu près, je crois que ça résume. Mais en ce qui me concerne, Jean Durkheim, j'ai l'avantage sur vous d'avoir vu les partisans, d'avoir vu leurs armes, j'en ai vu environ 5000, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu ni une arme, ni un équipement, ni absolument rien de Yougoslave, de Bulgare ou d'Albanais. Je connais parfaitement les armes d'infanterie. Je vous affirme que 70% de l'armement est anglais et le reste italien ou allemand, c'est-à-dire des armes qui avaient été capturées par l'Hellas pendant la résistance, rendues après l'accord de Varkiza, distribuées par les autorités grecques aux terroristes de droite et aux forces de gendarmerie, et récupérées au cours des combats par les gendarmes. Deuxièmement, en ce qui concerne le terrorisme pratiqué par les partisans, je n'ai jamais été témoin d'aucune scène de ce genre. Ce n'est pour pas qu'il n'existe pas, je parle de ce que j'ai vu. Deuxièmement, j'ai constaté que dans de nombreux villages contrôlés par les andartes, c'est-à-dire les partisans, des familles entières de policiers grecs ou de gens réputés comme collaborateurs vivaient dans le calme et la quiétude la plus absolue. Alors que je ne peux pas en dire autant des familles des partisans résidant dans la zone gouvernementale. Par conséquent, vous vous opposeriez en cela à l'avis de Roger Grenier et vous estimez que le terrorisme est en quelque sorte à sens unique, c'est-à-dire à sens gouvernemental. Oui, j'ai l'impression que le terrorisme est unilatéral et j'ai constaté de la part des partisans des efforts énormes en vue de pousser à la réconciliation des Grecs, qui sont, comme de tous les temps, fortement opposés les uns aux autres. Roger Grenier. Ça, je sais bien que c'est un des mots d'ordre de l'EAM et du Parti communiste grec de réclamer l'amnistie et la réconciliation, mais les partisans, dans leur action, c'est indéniable, ont fait des raids sur les villages en massacrant des gens qui, quelles que soient leurs opinions, avaient le droit de vivre. Et je sais bien que les gouvernementaux aussi ont fait des répressions, ont massacré des gens, des portes d'autres. Mais enfin, je crois que des deux côtés, cette guerre civile se mène avec une très grande cruauté. Et des témoins qui viennent de France, par exemple, ne peuvent qu'en être frappés. Maintenant, je crois que ce qui serait intéressant, ce qui serait intéressant de savoir tout de même, c'est si cet état de fait, qui est essentiellement regrettable, doit être imputé au gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement disparaît, est-ce que la guerre disparaît? C'est ça qui serait intéressant de savoir. En ce qui me concerne, j'ai une opinion bien précise sur la question. Alors Jean Durkheim, je vous en prie. J'ai une opinion bien précise sur la question. Je crois qu'à l'origine du mal actuel, on doit inculper la politique initialement préconisée par les autorités anglaises en Grèce au début de leur occupation. Et je ne dis pas que les Anglais sont actuellement responsables de l'état de choses, mais ils sont un peu comme un joueur de football qui a donné un shoot trop violent et qui ne peut plus rattraper le ballon. C'est ainsi que je juge la politique anglaise actuelle en Grèce. Non, maintenant, si vous voulez me permettre, ce que je voulais vous demander, en admettant que les partisans renversent le gouvernement et installent un autre gouvernement, est-ce que les gouvernementaux vont prendre le maquis? Est-ce que la situation se continuera simplement renversée? Enfin, je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose d'exact dans ce que dit Durkheim. Les Anglais ont donné un shoot trop fort au début. C'est exact. Ils ont voulu faire une politique dite de détente qui a évidemment protégé les anciens collaborateurs. Là-dessus, les gens de gauche se sont mis à faire des exécutions et des exécutions massives qui ont été extraordinairement cruelles, par exemple dans le Péloponnèse, pour leur propre compte. Ceci a entraîné des vengeances, des contre-vengeances, et il y a actuellement à peu près 2 ans que ça dure. Je suis donc entièrement de l'avis de Grenier quand Grenier dit que le terrorisme est bilatéral. Il y a eu Et il est bilatéral et c'est une chaîne qui, je le répète, dure depuis 2 ans et dont il est très difficile de sortir parce qu'on en est arrivé en Grèce, dans les provinces de Grèce. Ce n'est pas vrai d'Athènes, mais c'est rigoureusement vrai des provinces grecques, les plus reculées justement. On en est arrivé à une espèce d'état de vendetta corse où les gens ou bien défendent leur peau, ou bien attaquent, ou bien se vengent. Par conséquent, aujourd'hui, c'est devenu un cas absolument inextricable où il faudrait juger chaque cas individuel. Et je crois que, en toute conscience, je suis moi convaincu qu'on ne peut pas dire que le terrorisme soit unilatéral. Il est bilatéral et on peut en donner de nombreux exemples dans l'un et l'autre sens. Bernard Valéry. Je suis également convaincu que ça prendra des années et des années et des années, quels que soient les changements politiques à Athènes, pour que cet état de choses, pour que cette lutte atroce, parce qu'elle est vraiment atroce, n'est-ce pas, cesse. Il y a une haine qui est accumulée là dans les villages, dans toutes ces petites vallées. Autrement dit, est-ce qu'après la terreur blanche, on risque de connaître la terreur rouge, les adjectifs étant pris, bien entendu, dans le sens traditionnel? Oui, bon, c'est difficile à dire. Étant donné que le cas, n'est-ce pas, de renversement du gouvernement par le maquis ne se présente pas, n'est-ce pas, ça ne peut pas se passer comme ça, n'est-ce pas, il peut y avoir un très grand changement gouvernemental, mais enfin, le maquis ne peut pas venir, on ne peut pas concevoir que les capitaines du maquis, les capitaines, comme on les appelle, viennent tout d'un coup au pouvoir, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Non, Jean Durkheim. Je ne pense pas qu'ils puissent venir à Athènes ou à Salonique, mais je pense que d'ici le printemps prochain, ils peuvent contrôler environ la moitié du territoire total de la Grèce, et que la situation soit telle que les autorités d'occupation en Grèce soient contraintes de prendre des mesures et de suggérer des solutions politiques visant à l'apaisement. De toute façon, les partisans actuellement disent avoir été trompés après l'accord de Varkiza, disent avoir été confiants et avoir livré les armes en toute confiance et en toute loyauté. Ils affirment qu'actuellement, ils ne rendront les armes et ne redescendront dans les villages que lorsqu'ils auront la garantie formelle qu'ils pourront le faire sans danger, à savoir des hommes de confiance au sein du gouvernement, c'est-à-dire des hommes ayant participé eux-mêmes à la résistance sous l'occupation allemande et italienne, et deuxièmement, un commencement de mesures prouvant la bonne foi des amnisties promises. Il ne s'agit pas de promettre des amnisties et en même temps de déporter les gens dans les camps de concentration, de les mettre dans les prisons, de créer chaque jour une nouvelle prison en transformant les écoles, les musées et tous les bâtiments possibles, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de brûler des maisons et des villages, de violer des femmes et d'assassiner des enfants comme je l'ai vu faire. Lorsque ces mesures cesseront, lorsque les petits despotes, qui sont en général d'anciens officiers de l'armée allemande, dans les villages, qui détiennent tout le pouvoir et qui agissent, qui font la pluie et le beau temps, seront désarmés et mis dans l'impossibilité de faire ce qu'ils font dans les villages, à ce moment-là, la question se posera sous un angle tout à fait différent et peut-être pourra-t-on pacifier la Grèce. Mais alors, est-ce que cette espèce de compromis politique vous semble possible, voire même probable, Jean Grenier ? Je crois que la... Non, Roger Grenier, je m'excuse. On ne peut pas du tout parler d'Athènes et de la vie politique qui se mène à Athènes sur le même plan que ce qui se passe dans les montagnes de Grèce. Athènes est une ville moderne où la vie est tout à fait factice et n'a aucun rapport avec le reste du pays. On ne dirait pas du tout que c'est la capitale d'un pays en guerre, justement, actuellement. Et il n'y a qu'à aller faire un tour à la Chambre des députés grecs. Ils parlent d'histoire de concessions d'autobus, enfin, des tas de choses qui prêtent à sourire. Et même si on arrive à une entente entre l'EAM et le reste du pays, soit l'opposition parlementaire actuelle, soit même la droite, dans le sein du gouvernement grec, je crois que ça n'arrangera pas tout dans les campagnes et dans les montagnes. Pierre Frédérix. Je crois qu'une politique d'apaisement est réalisable, et qu'elle serait réalisable sous la direction du parti qui se trouve actuellement au centre, qui est l'opposition parlementaire, c'est-à-dire qui ne sont pas les gens, les populistes de la majorité gouvernementale, en fait la majorité de Tsaldaris, et qui ne sont pas non plus l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire l'EAM. Le problème crucial pour moi est de rétablir l'autorité du gouvernement central d'Athènes et d'un gouvernement naturellement loyal et impartial, cela va de soi, d'un gouvernement réellement démocratique, qui n'applique pas deux poids et mesures, qui n'applique pas deux politiques, de rétablir cette autorité sur tout l'étendue du territoire grec. C'est une chose extraordinairement difficile, car on ne se rend pas du tout compte, ici en France, à quel point la Grèce est un pays dépourvu de communication. Ce qui se passe à Athènes est profondément différent de ce qui se passe dans un chef-lieu de province, et ce qui se passe dans un chef-lieu de province est encore profondément différent de ce qui se passe à l'intérieur des campagnes. À l'intérieur des campagnes, faute de recevoir des journaux, faute de recevoir des ordres directs, faute d'avoir un téléphone, un télégraphe, d'avoir des relations quotidiennes comme dans tout État moderne occidental, Les gens qui commandent sont en fait les petits potentats locaux. Eh bien, dans le nord, dans les parties que tiennent le maquis, ces petits potentats locaux sont des chefs de bande, des capitaines qui exercent une politique violente dans le sens où ils entendent l'exercer. Si vous allez dans d'autres régions, en Thessalie, par exemple, au nord d'Athènes, si vous allez dans le Péloponnèse, vous verrez au contraire des bandes de droite, des bandits de droite, ou bien vous verrez alors des maires, des petits conseillers municipaux, des gens qui appliquent une politique violente d'extrême droite et qui sont maîtres dans leur village et dans leur petite province, tout simplement parce qu'il y a peu de communication avec Athènes. Bernard Valéry. Alors je voudrais résumer en ce qui concerne la situation politique. Il n'y a qu'un seul nom autour du quai, enfin un seul homme à Athènes qui pourrait, je crois, résoudre ce problème terrible. Il s'appelle Sophoulis, il a 87 ans. Le point essentiel de son programme, c'est l'amnistie, enfin le plus rapidement possible, la réconciliation. On n'a pas fait le dernier changement gouvernemental, au cours du dernier changement gouvernemental, on n'a pas inclus son parti dans le cabinet de l'Union nationale. Je crois que rien ne sera fait de constructif avant qu'on ne s'adresse à ce vieillard. Jean Durkheim, Pierre Frédérix, Roger Grenier et Bernard Valéry ont exposé et discuté la situation en Grèce. Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française. C'était « La situation politique en Grèce », la Tribune de Paris diffusée le 5 février 1947. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1983, André Miquel, professeur de langue et de littérature arabe au Collège de France, retraduisait un texte original dans l'histoire de la littérature arabe classique. Intitulé « Des enseignements de la vie », il fut rédigé au XIIe siècle par le prince syrien Oussama ibn Munkid. Né en 1095, l'année où le pape Urbain II prêcha la première croisade, mort à 93 ans, quelques mois après que Jérusalem fut repris aux Francs par les troupes de Saladin, cet homme avait à la fin de sa vie dicté ce témoignage précieux. Jean Montalbetti en faisait en 1983 le fil rouge d'une série de trois inconnus de l'histoire dans lesquels il nous faisait découvrir le parcours de ce prince en compagnie d'André Miquel. Après un premier volet consacré à ses années de formation, c'est sa carrière de guerrier engagé dans la lutte contre les Francs qui nous était racontée dans le deuxième épisode, diffusé pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1983. Unknown people in history. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconocidos. Unbekannte der Geschichte. L'uomo non si rarezzaro. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Je suis un oublié du destin. On croirait un chameau fatigué errant dans le désert. تناستني الأجل حتى كأنني ضريئة صفر بالفلة حاصر. Que me font les honneurs et la gloire et l'aisance si je ne brise plus les épées et les lances? Il est né en Syrie le 4 juillet 1095, au moment où était prêchée la première croisade par le pape Urbain II. Il mourra un an après la reprise de Jérusalem, en 1187 par Saladin. Ce lettré est aussi un chasseur, un guerrier et un habile politicien. À 90 ans, devenu presque aveugle, il dicte le récit de sa vie comme un enseignement sur le destin. C'est bien sûr un document historique exceptionnel sur les rapports Orient-Occident et sur les croisades vues du côté arabe. C'est aussi un texte original dans la littérature arabe classique. Nous poursuivons aujourd'hui cette enquête sur un prince syrien du XIIe siècle dans la guerre du Proche-Orient. Ouzama in Munkith, par Jean Montalbetti, avec pour médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, et pour consultant Mohamed Rekaya de Paris 3 et Françoise Michaud de Paris 1. Dans le rôle d'Ouzama, Boudjema Bouada, avec la voix de François Darbon, dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy. Nijmuddin al-Razi ibn al-Turk, Dieu le prenne en pitié, avait défait les Francs près d'Al-Bal'at le vendredi 5 du mois Jumayd al-Ahad 513. Il les avait anéantis, tuant le maître d'Antioche, Roger, avec tous ses cavaliers. Mon oncle Ezdin Abul'As, Akir Sultan, Dieu le prenne en pitié, va le trouver, tandis que mon père, Dieu le prenne en pitié, restait en arrière, à la forteresse de Sheizar, avec consigne de m'envoyer vers Apamé, ainsi que tous ceux qui étaient en ma compagnie à Sheizar, et d'appeler les habitants et les Arabes à piller les récoltes d'Apamé. Quelques jours à peine après le départ de mon oncle, le héros fit son appel et je partis avec une petite troupe, même pas 20 cavaliers, dans la conviction où nous étions qu'il n'y avait aucune cavalerie dans Apamé. J'avais avec moi en revanche une foule de pillards et de bédouins. En arrivant à la vallée de Bohémond, tandis que pillards et bédouins s'égayaient dans les champs, une forte troupe de Francs se présenta. La nuit même, il était arrivé à Apamé 60 cavaliers et autant de fantassins. André Miquel, Ouzama, prince héritier de la dynastie des Munkhit, qui règne à Sheizar, a reçu une double formation, une formation intellectuelle. C'est celle d'un lettré qui a étudié la grammaire, la rhétorique, la poésie. C'est celle aussi d'un chasseur et d'un guerrier rompu aux violents exercices physiques. Dans son autobiographie intitulée « Des enseignements de la vie », on le voit chevaucher aux côtés de son père, Mourdid, ou bien de son oncle, Sultan, mais il ne semble participer à son premier vrai combat qu'en 1119. Il a alors 24 ans. Est-ce tardivement pour un prince arabe de cette époque, d'autant que physiquement, il semble très puissant? Physiquement, oui. Il est d'ailleurs très fier de sa haute taille, puisqu'un jour, un croisé le complimentera de sa haute taille et lui dira même « Tu pourrais être un chevalier parmi les nôtres parce que tu es grand et bien bâti. » Cela posé, il y a tellement de monde à Sheizar que il n'a pas eu sans doute, avant cet âge de 24 ans, l'occasion, tout simplement, de commander une troupe au combat. L'épisode auquel vous faites allusion vient immédiatement après la mort de Roger de Salerne, qui est régent de la principauté d'Antioche, et Oussam est chargé d'aller faire une opération de razzia, d'aller brûler des récoltes autour d'une petite ville voisine d'Apamé, qui est tenue par les Francs. Et il raconte son combat, et notamment comment il a failli être tué parce qu'il avait mal calculé son coup contre un chevalier vêtu de noir, monté sur un cheval sombre, etc. Et en tout cas, il est vainqueur avec une poignée d'hommes, une vingtaine ou une trentaine. Et l'épisode se termine un peu à la corneille, dirais-je. C'est un peu le retour des Horaces, car un serviteur, sans demander l'autorisation d'Oussama, est allé prévenir son père à Sheizar de la bataille qui se déroule. Et le père dit « Est-ce que mon fils est tué ?» Et le serviteur répond « Non, je l'ai vu sur son cheval, etc. » Mais tout le monde est tué sauf lui. Et Oussama ne le dit pas, mais le père a certainement une réaction de colère. Et ensuite, Oussama arrive et dit « Mais non, pas du tout, nous avons gagné. » À ce moment-là, tout est bien qui finit bien. L'honneur est sauf et le premier combat s'est terminé à l'avantage du jeune guerrier. Les Francs nous débusquèrent de la vallée et sous leur pression, nous arrivâmes jusqu'aux gens qui étaient en train de mettre à sac les récoltes. Il se fit parmi eux un grand tumulte. La mort m'a paru douce. Si tout ce monde dont j'avais la charge était promis à périr. Je fis donc volte-face contre un cavalier franc de la première ligne. Il s'était débarrassé de sa cuirasse pour être plus léger lorsqu'il aurait à passer devant nous. Je le frappai de ma lance à la poitrine et il vola de sa selle, mort. Après quoi, j'affrontai les assauts successifs des cavaliers ennemis qui finirent par tourner bride. Je n'avais pourtant aucune expérience de la bataille, et c'est le jour de mon premier combat. mais j'avais sous moi un cheval vif comme l'oiseau. Je collais au talon de l'ennemi pour le piquer de ma lance tout en me dérobant l'instant d'après à ses coups. À l'arrière se trouvait un cavalier monté sur un pur sang noir aussi fort qu'un chameau. Il portait cuirasse et complet appareil de guerre. Je le craignais, redoutant qu'il ne m'entraînât pour se retourner ensuite contre moi. Mais à la fin, je le vis éperonner son cheval qui se mit à agiter la queue. Sachant alors qu'il était épuisé, je chargeai mon adversaire et le frappai. La lance ressortit par devant d'une coudée environ. J'en fus délogé de ma selle. Mon corps était trop léger, le coup trop violent, le cheval trop rapide. Puis revenant en arrière, je retirai la lance, pensant bien avoir tué mon homme, et regroupai mes compagnons, lesquels étaient sains et saufs. Les Francs de Jérusalem menacent directement Shahizar. Il y a un moment où le roi de Jérusalem, Baudouin II, fait le siège de Shahizar et va s'en emparer. Oui, en fait, le grand ennemi de Shahizar, c'est Antioche, en fait. C'est la principauté voisine qui est... Tancrède, puis Tancrède, son successeur, puis Roger. La famille des Bohémonts, il y a quelques grands féodaux qui sont de grands guerriers. Le roi de Jérusalem, en fait, ne vient là qu'à l'occasion d'autres campagnes en Syrie du Nord. Mais il met le siège devant Shahizar, mais en réalité, tout cela se termine comme d'habitude, c'est-à-dire en fait, des tractations, des échanges de politesse, des promesses de trêve. Et les choses iront si loin qu'en effet, à Shahizar, un jour, le roi de Jérusalem sera retenu prisonnier, mais traité avec de très grands égards, pour le compte d'autres principautés musulmanes. Il y a tout un jeu extraordinairement subtil. Enfin, on fait la guerre, mais il n'y a pas que la guerre. Il y a les tractations, il y a le commerce. Il y a tous ces gens qu'Oussam appelle en arabe les bourgeois, nous dirions les Pékins, c'est-à-dire les civils, qui continuent de vivre. Et les princes sont aussi là pour assurer la tranquillité des bourgeois dans la mesure où la guerre le permet. Est-ce qu'il s'agit essentiellement d'opérations de razzia? On voit par exemple beaucoup de scènes qui commencent par on repère un petit groupe de francs qui se trouve à tel endroit et puis on envoie un certain nombre de cavaliers à leur rencontre. Il y a un engagement pas très décisif ou bien ils prennent la fuite. Ou bien il s'agit vraiment d'opérations militaires d'envergure à cette époque? Il y a beaucoup plus un effet d'engagement ponctuel et qui se termine, je ne dirais pas sans vainqueur ni vaincu, mais sans dommage irrémédiable pour l'une et l'autre des deux parties, il y a beaucoup plus ce style d'engagement que le grand engagement meurtrier. Les grands engagements meurtriers, celui où tombe Roger de Salerne, par exemple, sont ceux où des principautés musulmanes, pour un temps, réussissent à mettre sur pied une coalition contre l'un des royaumes francs. Il y en a très peu dans Oussam. Il y a comme cela deux ou trois grandes batailles avec mort de personnages célèbres. Mais dans l'ensemble, c'est véritablement, nous dirions, une guérilla s'il s'agissait de guerre populaire. Mais ce sont des escarmouches, de rencontres suscitées par l'occasion, beaucoup plus que des engagements frontaux, massifs et très sanglants. Je n'ai jamais vu mon père, Dieu le prenne en pitié, me retenir de combattre ni d'affronter un danger, malgré cette tendresse privilégiée que je lisais en lui et lui en moi. Il me donna à la constater un certain jour. Nous avions chez nous, à Shahizar, des chevaliers francs et arméniens offerts comme otages par le roi des Francs, Baudouin, en garantie d'une obligation contractée vis-à-vis d'Ul Husim Din Timurtar ibn al-Razi, Dieu le prenne en pitié. La dette réglée, lorsque les otages voulurent s'en retourner dans leur pays, Khirhan, maître de l'Homs, envoya des cavaliers qui leur tendirent une embuscade dans les environs immédiats de Shahizar. Quand les otages furent en chemin, les autres les attaquèrent et les firent prisonniers. Frappés par leurs cris, mon oncle et mon père, Dieu les prenne en pitié, montèrent à cheval, prirent position et envoyèrent tous ceux qui les rejoignaient courir après les otages. J'y vins aussi et mon père me dit « Suis-les avec ceux que tu as. Ruez-vous sur les autres » et délivrez vos otages. Je me lançai à la poursuite des ennemis. Les atteignis, après avoir galopé tout le jour ou presque, délivré ceux qu'ils avaient amenés et capturé quelques cavaliers de Homs, tout en m'émerveillant des mots de mon père, « Ruez-vous sur les autres ». Alors les choses changent tout de même à partir de 1127, lorsque un Turc, Zangi de Mossoul, va tenter justement de constituer une armée, de faire une certaine union contre les Francs. Et Ousama va se mettre à son service. Zangi arrive au bon moment pour Ousama. Car il s'est passé entre-temps, au niveau de la petite histoire de Cheysar, un phénomène grave pour Ousama. C'est que son oncle, qui a pris cette principauté dont le père d'Ousama ne voulait pas, l'oncle sultan, peu à peu lui bat froid à notre Ousama. Pourquoi ? Parce que au moment où il est devenu seigneur de Cheysar, sultan n'avait pas d'enfant, et il était entendu que Qusam lui succéderait, mais entre-temps il s'est marié, il a des fils. Et il a peur un peu du passé d'Ousama, de sa prestance, de ses qualités même, et il commence à lui battre froid. Et Ousama décide par conséquent de s'exiler. Pas très loin, il va rejoindre Zangi, qui est le maître de Mossoul et d'Alep. Il va tenter sa chance dans les armées de Zangi, lequel Zangi commence son grand projet d'unification de la Syrie contre les croisés. Ce ne sera pas d'ailleurs le départ définitif, car Ousama essaiera de revenir à Cheysar, ou du moins, à l'occasion d'une visite à Cheysar, essaiera de voir s'il ne peut pas continuer ce que j'oserais appeler sa carrière sur place. Il a perdu d'ailleurs dans ces années-là son principal protecteur, c'est-à-dire son père qui va mourir en 1137. Il a perdu en effet son père et sa grand-mère lui représente qu'il n'a vraiment plus aucune chance à Cheysar, que désormais son destin est ailleurs. Et il partira définitivement. Mohamed Rikaya, Françoise Michaud, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et de l'histoire de l'islam classique. Ousama, à partir de l'âge de 35 ans, va commencer à participer aux guerres contre les Francs, notamment en se mettant à partir de 1130 au service de Zangi, puis en étant ensuite au service de son fils Nur ad-Din. Quels sont, dans la période de la maturité de l'âge d'Ousama, les principaux affrontements entre l'islam et la chrétienté en Palestine, et de quelle façon est-ce que Ousama en rend compte par rapport à la réalité historique ? Françoise Michaud. L'événement important, je crois, pour l'histoire des croisés, après leur installation et la formation des États latins, c'est l'amorce d'une résistance arabo-musulmane ou turco-musulmane qu'ils n'avaient point connue jusque-là. Et je pense qu'on peut faire débuter cette résistance turco-musulmane à partir du règne de Zengi. Zengi devient souverain de Mossoul et d'Alep en 1128, c'est-à-dire de ces grands centres situés au nord de la Syrie et au nord de la Mésopotamie, et détenir le pouvoir à la fois sur Alep et Mossoul, c'est-à-dire à la fois sur la Syrie du Nord et sur la Mésopotamie du Nord, c'était détenir une puissance économique et celle de la possession de la grande route caravanière de la Méditerranée à la Mésopotamie. Zengi utilise la propagande de jihad, de guerre sainte, en gardant les guillemets, et un effort dans la voie d'Allah, pour unifier la Syrie musulmane et par là pouvoir lutter efficacement contre les Francs. Mais les petits centres ont bien compris cela, et les grands centres aussi. Et Damas a vu d'un très mauvais œil la politique de Zengi. Ainsi, on arrive à un épisode tout à fait significatif auquel Ousama fut directement mêlé, qui est l'alliance entre Damas et les Francs contre Zengi en 1138. Au moment où Zengi, dans sa politique de jihad, d'unification de la Syrie et de lutte contre les Francs, veut prendre Damas et tente d'en faire le siège, le souverain de Damas n'hésite point à s'allier avec l'autre force de la Syrie-Palestine, c'est-à-dire le royaume de Jérusalem. Et c'est notre Oussama qui est chargé de la négociation, et d'une négociation qui a abouti, non seulement parce qu'il y eut une alliance entre Damas et le royaume de Jérusalem, mais aussi parce que Zengi, qui était un habile stratège, s'est bien rendu compte que les forces allaient se tourner contre lui, et il a préféré lever le siège. Les circonstances exigèrent mon départ pour Damas. Les émissaires de l'Atabaq s'y succédaient pour me desservir auprès du maître de la ville. J'y restai 8 ans et fus le témoin de nombreuses batailles. Le seigneur des lieux, Dieu le prenne en pitié, m'octroya libéralement une solde et un fief et me distingua en me faisant l'honneur de son intimité. Par ailleurs, j'étais l'objet de la bienveillance de l'émir Mouhiddin, Dieu le prenne en pitié, qui s'était attaché à ma compagnie et patronné mes intérêts. Puis vinrent des événements qui m'obligèrent à me rendre en Égypte. Je perdis dans l'aventure les objets domestiques et les armes que je ne pus emporter avec moi, et quant aux biens que j'abandonnais, c'était une autre catastrophe. Tout cela se passait alors même que l'émir Mouhiddin, Dieu le prenne en pitié, me voulait du bien, me traitait avec faveur et se désolait que je le quittasse, tout en avouant qu'il ne pouvait rien pour moi. Il m'envoya son secrétaire, le chambellan Mahmoud al-Mustarshidi, pour me dire en son nom, « Par Dieu, si j'avais avec moi la moitié des gens qui sont ici, j'abattrais avec eux l'autre moitié. Si j'en avais le tiers, j'abattrais les deux autres et ne me séparerais pas de toi. Mais ils sont tous ligués contre moi et je ne peux rien faire. Où que tu sois pourtant, tu sauras que l'amitié qui nous unit ne faiblira pas. » Alors, la situation politique et militaire de Damas dans cet ensemble du Proche-Orient au début du XIIe siècle? Elle est la lointaine conséquence de l'arrivée en force des Turcs au milieu de notre XIe siècle. Les Turcs sont arrivés en masse de l'Asie centrale, ils ont mis la main sur le califat abbasside de Bagdad et ils se sont ensuite répandus sur le Proche-Orient. Non pas tellement en masse d'ailleurs, sauf du côté de l'Asie mineure, dans ce pays qui plus tard deviendra le pays qui porte leur nom, la Turquie. Donc répandu plutôt sur le reste du Proche-Orient sous la forme d'une élite militaire qui a fondé des principautés. Et la Syrie de l'époque d'Oussama est une Syrie gouvernée presque entièrement par des aristocraties locales turques. Damas, l'une de ces villes, est ainsi aux mains d'une famille turque qui s'appelle la famille des Bourides, qui a mis la main sur la ville et qui est en conflit larvée avec les autres dynasties locales, celles des autres villes que nous connaissons toujours aujourd'hui, de Syrie, Hama et Homs, pour parler des plus rapprochés. Alors, cette principauté turque, elle est là sur un échiquier qui est d'autant plus compliqué que les Francs sont aux portes de Damas, pratiquement. Damas sera même assiégé. Et pour essayer de maintenir leur pression sur les principautés du nord de la Syrie, Hama et Homs notamment, ces princes bourrides jouent le jeu de l'alliance avec le royaume chrétien de Jérusalem. Et c'est comme cela qu'Oussama se trouvera envoyé en ambassade auprès des Templiers de Jérusalem. C'est sur cet échiquier diplomatique extraordinairement complexe et fluide qu'il faut imaginer Oussama arrivant à Damas. Alors des Turcs qui sont une minorité, mais qui gouvernent le pays, oui. Qui sont arabisés, et l'unité finalement entre toutes ces ethnies, c'est évidemment l'unité religieuse. C'est l'unité religieuse. Car l'arrivée en masse des Turcs au XIe siècle a été un tournant essentiel dans l'histoire de l'islam en tant que religion. Ces Turcs ont opté pour le sunnisme, pour une des deux grandes options de l'islam. Et ils ont eu une politique sunnite extraordinairement active. Ils ont fondé des écoles, ils ont fondé des universités, ils ont encouragé les sciences dans un esprit résolument sunnite. Et c'est autour du credo sunnite, finalement, que l'unification se fera à cette époque entre l'Égypte et la Syrie. Car lorsque Saladin, quelques années après, arrivera au Caire, il supprimera d'abord le califat fatimide d'Égypte, c'est-à-dire qu'il rendra l'Égypte officiellement au sunnisme. Et c'est autour de ce credo sunnite que s'est faite l'unification de par Zengi, puis par Nour ed-Din, puis par Saladin. Alors chassé, pour ainsi dire, de sa propre principauté, de Shaizar, Oussama va trouver refuge à Damas. Il y est apparemment très bien accueilli et on lui donne même un certain nombre de responsabilités officielles. Il est très bien accueilli, il est visiblement dans l'entourage immédiat du pouvoir, il est l'un des très grands amis de celui que nous appellerions le premier ministre, enfin le vizir, Anour, et il exerce visiblement des responsabilités à un échelon très élevé. Mais il a le tort, je crois, de jouer un peu trop de la politique politicienne au niveau des clans. Qui est particulièrement compliqué. Qui est particulièrement compliqué, puisque nous sommes dans un pays arabe gouverné par des Turcs, mais où tout de même l'élément arabe est prédominant dans les masses de la population, mais aussi, je suppose, dans les avenues du pouvoir, parce que les Turcs gouvernent aussi avec l'aristocratie arabe locale. En plus, Oussama arrive de loin, il arrive du nord. On sait qu'il a été protégé par Zengi. Les complots qui sont dirigés contre lui et où il croit voir la main de Zengi n'aident pas évidemment à clarifier les choses. Bref, il est assez vite en porte-à-faux et il devra là aussi bientôt quitter Damas. Un comportement plus inhumain que ceux qui s'y sont acclimatés en fréquentant les musulmans. Je vais donner un exemple de l'inhumanité de ces gens-là. Dieu les avilisse. Lors d'une visite à Jérusalem, j'entrais dans la mosquée Jamal al-Aqsa, sur le côté de laquelle il y avait un petit oratoire que les Francs avaient converti en église. Quand j'allais à la mosquée, où se trouvaient mes amis les Templiers, ils laissaient libre pour moi ce petit oratoire et j'y faisais mes prières. J'étais entré là un jour, j'avais prononcé la formule « Dieu seul est grand » et me tenais debout, tout à ma prière, lorsqu'un Franc se rua sur moi, me saisit et tourna ma tête vers l'Orient en disant « C'est de cette façon-là que tu dois prier. » un groupe de Templiers intervint aussitôt. Ils se saisirent de lui et l'expulsèrent loin de moi. Je me remis à ma prière, mais le même homme, échappant à leur attention, revint se jeter sur moi, tourner mon visage vers l'Orient et me dire « C'est de cette façon-là que tu dois prier ». Les Templiers entraient de nouveau pour le prendre, le chassèrent en me demandant de l'excuser. « C'est, m'expliquèrent-ils, un étranger qui est arrivé ces jours-ci des pays francs, et il n'a jamais vu prier personne autrement que vers l'Orient. » « J'ai assez prié comme cela, » répondis-je. Je sortis encore sous le coup de l'étonnement que m'avait donné cet homme, avec son visage décomposé, son tremblement, son saisissement à la vue de quelqu'un qui priait vers la Mecque. Dans les années 40-43 auparavant, il est envoyé par Anour à Jérusalem. Alors oui. Comment cet arabe, qui est un émissaire du gouvernement de Damas, peut-il se trouver sur les lieux saints à Jérusalem, qui sont donc occupés par les croisés depuis la fin du XIe siècle ? Il rencontre à Jérusalem un certain nombre de personnalités, notamment les Templiers. Sont visiblement les Templiers qui l'ont le plus marqué. Alors ces Templiers, dit-il, sont des gens très honorables et qui notamment un jour lui permettront de prier dans le coin d'une mosquée, de la mosquée de Jérusalem, reconvertie. À l'Aqsa. Cela posé, il reste que ces Templiers ont un défaut majeur, c'est qu'ils croient à la Vierge Marie. Et ça véritablement, là, c'est la pierre de touche. Oussama ne peut pas admettre. Dit ces gens qui sont des gens d'honneur, qui croient en Dieu, m'ont fait voir l'enfant Jésus, comme ils disent, dans les bras de la Vierge Marie. Comment peut-on croire à de pareilles balivernes ? Là, véritablement, ça ne passe pas. Et pour le reste, on a vraiment plus que le sentiment, la conviction qu'il y a eu là, non seulement un échange diplomatique, mais un échange d'homme à homme, disons. Zengi réussit à prendre cette ville de Syrie du Nord qui est Édesse en 1144. Françoise Michaud. Et cet événement qui marquait donc la fin d'un des quatre États latins eut un certain retentissement en Occident puisque ce fut à cette occasion que le pape Eugène III proclama la seconde croisade en 1146. Celle à laquelle va participer Louis VII, le roi de France. Et qui fut prêchée par Saint Bernard, puisque à Vézelay, Bernard de Clairvaux, devenu Saint Bernard, appela au départ à cette croisade. Et cette seconde croisade échoua. Lors de la chute d'Édesse et de la deuxième croisade qui va suivre... Mohamed Rikaya. Eh bien, notre Oussama se trouve en Égypte, de 1144 à 1154. Par conséquent... Il a été banni de Damas. Il a été banni de Damas et il se trouve en Égypte, c'est-à-dire loin du champ de bataille et loin de cette entreprise de regroupement des forces qui est parti de deux très grands centres depuis l'Antiquité d'ailleurs, Mossoul et Alep, avec évidemment la tentation de s'emparer de Damas. Et une fois qu'on a Mossoul, Alep et Damas, le vœu le plus cher, c'est de déboucher directement sur la Méditerranée. Donc, les États francs sont menacés. C'est pour cela que les États francs, à ce moment-là, vont se tourner davantage vers l'Égypte, où se trouve banni notre Oussama de 1144 à 1154. Donc c'est un régime moribond qui ne doit, je le rappelle, sa survie qu'à ses principautés écrans. Et d'ailleurs, la principale action de Noureddin sera la conquête de l'Égypte, c'est-à-dire que la route de Jérusalem passe par Damas et par le Caire. Mon arrivée au Caire eut lieu un jeudi, le second jour du mois de Jumad Thani de l'an 539. L'Hafid al-Din Allah me rendit le repos dès l'instant de mon arrivée. Il me fit revêtir en sa présence même d'un manteau d'honneur et remettre une garde-robe ainsi que 100 dinars, me donna accès à ses bains et m'installa dans une splendide résidence qui avait compté parmi celles d'Al-Afdal, fils de l'émir des armées. On me la donna telle qu'elle, avec ses tapis, ses nattes, ses ustensiles de cuivre et une grande estrade d'apparat, le tout sans qu'on me redemandât quoi que ce fût. Je séjournai là pendant longtemps, honoré, révéré, sans arrêt comblé de faveurs et tirant revenu d'un fief qui ne me donnait que des satisfactions. André Michel, en 1154, retournement complet à Damas, puisque c'est le fils de Zanghi qui va prendre le pouvoir. L'arrivée de Noureddin en Syrie change évidemment politiquement les choses de façon considérable, puisque c'est là la première fois que la Syrie devient depuis de longues années unifiée et unifiée dans un projet politique qui est la lutte contre les Francs. Alors quels sont ces rapports à ce moment-là avec le fils de Zanghi, avec Noureddin ? Avec Noureddin, en fait, il n'aura pas tellement de rapports. Il connaîtra Noureddin surtout à partir d'une ambassade qu'il effectuera depuis le Caire pour aller voir Noureddin. Lorsqu'il viendra de la part des califes fatimides du Caire voir Noureddin, il lui proposera de la part de ces califes du Caire un projet d'alliance contre les Francs. Et Noureddin dira non, en tout cas fuira, ne répondra pas de façon très franche, pour une raison que je crois évidente, à savoir que c'est Noureddin lui-même qui veut être le patron de cette anti-croisade et qui n'a pas avantage à se lier avec les califes d'Égypte s'il peut prendre à son bénéfice l'anti-croisade en question. Mais avec Noureddin, finalement, Oussama aura peu de relations, puisque ensuite, lorsqu'il reviendra à Damas, il comprendra très vite que là aussi, les choses ne sont pas très favorables pour lui. En réalité, avec toute cette série de fuites de Chaïzar à Alep, d'Alep à Damas, de Damas au Caire, du Caire à Damas, puis de Damas de nouveau à Alep et ensuite dans d'autres principautés en Haute-Mésopotamie, on a le sentiment que politiquement, notre Oussama était un intrigant de première catégorie et qu'il a passé son temps, et alors au Caire c'est très visible parce que là il le raconte, il a passé son temps à magouiller, comme nous dirions aujourd'hui, à essayer de se pousser au premier rang de la scène politique par une série d'alliances, mais d'alliances de cours cette fois. Je crois que c'était un personnage politiquement impossible. Michel, au moment où Noureddin prend le pouvoir à Damas en 1154, quel est à ce moment-là le rapport de force entre les Arabes et les Turcs d'un côté, entre l'islam et les Francs de Jérusalem ? Je dirais que c'est exactement au fond le point d'équilibre des croisades, puisque nous ne sommes pas encore à l'époque de Saladin. Mais nous avons du côté musulman une force de plus en plus considérable qui s'organise. 1154, si j'ai bonne mémoire, le comté d'Édesse vient de tomber. Donc il n'y a plus que trois principautés en lice, Antioche, Tripoli et surtout le royaume de Jérusalem. Mais enfin, la croisade est déjà sur son reflux. Ça n'est plus la grande période qui a suivi l'instauration du royaume de Jérusalem et des trois autres principautés. On peut dire que nous sommes dans, je dirais, une situation d'équilibre, mais d'un équilibre qui va basculer assez vite en faveur de l'islam. Si au début les croisés n'avaient pas une bonne connaissance de la situation, très vite, Mohamed les Rikaya. Croisés ont réalisé qu'avec leur petit nombre, les distances énormes pour eux à couvrir, la disproportion entre la population locale et les croisés, puisqu'il y avait au maximum, d'après des estimations, 100 000 croisés dans des villes, principalement, et tenant évidemment des axes stratégiques. Est-ce qu'on a une idée du nombre de la population locale ? Plusieurs centaines de milliers, c'est tout ce que l'on peut dire. Il y a trois choses que l'on peut dire. Les croisés sont installés fondamentalement dans les villes, évidemment dans des axes stratégiques aussi. Donc c'est un regroupement. Toute la campagne leur échappe. Dans le royaume de Jérusalem, on estime qu'il y a 1200 agglomérations agricoles sur lesquelles il y aurait au maximum 60 agglomérations franques. De même, il y a tout le domaine des tribus qui leur échappe, lesquelles tribus sont soumises formellement ou de temps en temps réellement. Par conséquent, il y a un contrôle qui est un contrôle politique et militaire qui fait qu'ils sont obligés d'augmenter leur force avec des alliances locales. Et ce qui est intéressant, c'est que la politique de ces cités, et notamment de Damas, fait que Damas est un très grand centre caravanier. Et comme on le dit même jusqu'à nos jours, les Damascènes ont un tempérament spécial. Ce sont des gens qui passent leur temps à accueillir et à dire au revoir aux différents conquérants. Par conséquent, Damas tient à préserver sa position de centre, et c'est pour cela que nous la verrons liguée contre le principal représentant, entre guillemets, de la guerre sainte, que je préfère utiliser l'expression arabe « l'effort dans la voie de Dieu », le « jihad », c'est-à-dire Noureddin, fils de Zenki. Tout ceci montre que l'idée qui a commencé à être envisagée par certains musulmans pieux vers 1100 pour mobiliser les musulmans contre les chrétiens, elle mettra à peu près trois quarts de siècle pour pouvoir se réaliser et d'une façon miraculeuse. C'est-à-dire que les musulmans se méfiaient de l'utilisation du jihad qui est une utilisation politique. En effet, le jihad exigeant le rassemblement autour d'un chef, il fallait reconnaître ce chef, donc abdiquer son autonomie et son indépendance. Et c'est une des raisons supplémentaires qui explique le succès et le maintien des croisés si longtemps en Terre Sainte. Alors, quelles vont être les opérations auxquelles Oussama va participer contre les Francs ? En réalité, les opérations auxquelles il participe contre les Francs, ce sont surtout les opérations à partir de l'Égypte. Lorsqu'il est au Caire, à la cour des califes fatimides du Caire, il participe à plusieurs opérations qui sont d'ailleurs un peu toujours des coups de main, qui ne sont pas des batailles rangées, notamment les opérations contre Ascalon, contre les portes de la côte, justement. Mais là encore, on n'a pas le sentiment d'une politique délibérée de la part des califes du Caire, d'une politique délibérée d'attaque frontale massive pour rejeter l'ennemi à la mer. Le seul moment où une politique réellement et globalement anti-franque se dégagera, c'est au moment où, en effet, Oussama sera dépêché du Caire vers la Damas de Noureddin pour proposer à Noureddin un front commun contre l'ennemi croisé. Et Noureddin refusera pour, encore une fois, garder pour lui-même le bénéfice de la contre-croisade. Mais ces engagements, Oussama nous en parle, on n'a pas, encore une fois, le sentiment de quelque chose de très violent, en tout cas de très massif. Et ce sont des engagements qui, la plupart du temps, même, sont le fruit du hasard. Nous étions, dit-il, installés lorsque les Francs vinrent nous dire un petit bonjour, façon de dire vinrent nous attaquer. Beaucoup d'opérations d'escarmouches, de razzia, comment se font-elles militairement ? Est-ce que ce n'est pas la ruse essentiellement qui est la règle principale ? À partir du moment où le combat s'est engagé, il peut s'être engagé parce qu'on a aperçu une troupe de Francs à quelque distance ou qu'on a su qu'une troupe de Francs était à quelque distance, et réciproquement bien sûr. Il peut s'engager aussi sous l'effet de la surprise. À partir du moment où le combat est engagé, c'est une série de combats dans le combat qui se déroule. Ça, nous y sommes habitués par notre imagerie du Moyen-Âge occidental, mais là, Cela correspond à l'image que l'on peut en avoir de l'autre côté. Alors, il y a dans cette mêlée où chacun en découd avec l'adversaire qu'il s'est choisi ou que le sort lui donne, il y a tout de même des phénomènes assez intéressants, et notamment au niveau du costume. Il y a des gens qui arborent splendidement une tenue extraordinairement voyante pour se désigner à l'attention de l'adversaire. Des tuniques rouges, vertes, jaunes, passées par-dessus l'armure. Par-dessus l'armure, ou des bonnets absolument extravagants. Enfin, des bonnets pointus pour les musulmans. Des bonnets pointus pour les musulmans. Mais il y a aussi des francs qui portent des coiffures extravagantes ou cette chasuble de couleur très violente passée par-dessus l'armure. Et alors, c'est là surtout que le Oussama Deguer s'en donne à cœur joie, parce que c'est dans ces combats qu'il voit justement le destin en marche, frappant ou épargnant. Mon père, Dieu le prenne en pitié, était un guerrier impénitent dont le corps portait d'effroyables blessures et qui, avec cela, mourut dans son lit. Un jour de bataille, il était là, tout équipé et coiffé d'un homme musulman à nasal. C'était le temps où la lutte se faisait surtout avec les Arabes. Quelqu'un jeta sur mon père un javelot qui tomba droit sur le nasal du casque. Celui-ci fut faussé et le nez se mit à saigner, mais mon père n'eut pas d'autre mal. Si Dieu, loué soit-il, avait décrété que l'arme dévia sur le nasal, il aurait signé sa mort. Mon père, toujours lui, fut touché une fois d'une flèche à la jambe. Il portait à sa bottine un poignard. La flèche tomba sur le poignard et se brisa sur place sans causer de lésion. Si sûre est la protection du Très-Haut. Est-ce que l'armement est assez comparable chez les Francs et chez les Arabes de l'autre côté ? Oui, assez comparable, bien que par exemple nous n'ayons aucun renseignement sur les boucliers, sur les écus, du côté franc surtout. Du côté musulman, nous avons des écus de cuir ou des écus de métal, lance, arc et sabre, sabre courbe bien sûr. Il n'y a pas d'arbalète du côté arabe ? Si, pour les sièges surtout. Mais pas tellement dans le combat. Le combat se fait, du moins d'après ce que Oussama nous en raconte, le combat rapproché se fait à l'arme légère. Est-ce que les musulmans utilisent également des machines de guerre, des pierrières ou des catapultes ? Oui, bien sûr, dans les sièges, avec tout ce qui tourne autour, le travail de sape pour faire s'effondrer les murailles. C'est exactement la même façon de faire la guerre. Il semble tout de même qu'il n'y ait pas exactement les mêmes règles. Lorsque on voit se dérouler des batailles entre les chrétiens, je pense par exemple à Bouvines ou à d'autres, il semble qu'il y ait une sorte d'art de la guerre qui peut s'apparenter à l'art du tournoi, par exemple. Oui. Alors que dans les affrontements entre les Francs et les musulmans, il semble qu'à chaque fois, cet affrontement soit avant tout destiné à tuer. Je dirais que ce jeu d'échecs, nous pourrions le trouver dans les parties de l'œuvre qui réfèrent aux premières décennies. Je veux dire avant, en gros, l'arrivée de Noureddin, surtout, et bien sûr de Saladin. Là, on a le sentiment d'une guerre qui a ses règles du jeu au sens profond du terme. Vous vous souvenez par exemple de cet épisode où on voit passer à Cheysar un guerrier, un très jeune guerrier, merveilleusement fait, très, très bel homme, mais couturé de cicatrices, et que les gens de Cheysar reconnaissent en effet pour un de leurs adversaires qu'ils avaient laissé pour mort sur le champ de bataille. Cet homme arrive avec un sauf-conduit de la principauté rivale, de la principauté d'Antioche, et sa personne est sacrée, il traverse le territoire de Cheysar. Et au niveau de la bataille, nous avons quelques traits. On épargne tel guerrier parce qu'on le reconnaît ou parce qu'on est débiteur de tel ou tel homme. Et il semble qu'à chaque fois, ce soit des initiatives individuelles et un peu de caractère exceptionnel. Autrement dit, il ne semble pas qu'on respecte de part et d'autre, aussi bien du côté des Francs que du côté des musulmans, qu'on ne respecte pas ce qu'on pourrait appeler des règles de chevalerie. absolument. Je crois que très vite, en effet, s'est posé le problème de la raison de ces francs. Si nous revenons à Bouvines, il y a en effet deux souverains qui sont légitimement titulaires d'un territoire. Bien. Ce qui se pose avec les francs, c'est le problème de leur légitimité. Ce qui explique, au fur et à mesure que nous avancerons dans la vie d'Oussama, ces traits de cruauté, de pas de quartier, de part et d'autre, en effet. Les francs, finalement, ne sont ni des orientaux, ni des musulmans. Ils n'avaient aucune chance de rester. Parce que les Turcs, par exemple, sont devenus... Ils n'étaient pas orientaux à l'origine, enfin, ils n'appartenaient pas au pays du Proche-Orient, mais ils sont devenus musulmans, ils sont restés. Les chrétiens d'Orient, finalement, ont très bien passé le choc des croisades. Pourquoi ? Ils n'étaient pas musulmans, mais eux étaient profondément orientaux. Les croisés n'étaient ni l'un ni l'autre. C'était véritablement une pièce étrangère dans le jeu, non seulement dans le jeu diplomatique et guerrier du Proche-Orient, mais dans le terroir du Proche-Orient. Je crois en effet qu'ils n'avaient aucun atout. Ces francs se sont-ils assimilés ? Au moins pour quelques traits. Pas du tout. Quand on lit Oussama, on est frappé de voir que ces gens vivent au Proche-Orient exactement comme ils vivaient en Picardie ou en Aquitaine. Si Oussama signale l'un de ses amis d'Antioche qui, par pudeur pour l'environnement, ne mange pas de porc, par exemple, il le signale pourquoi ? Parce que c'est une exception. Si tel autre prend des cuisinières égyptiennes, si Oussama le signale, c'est parce que c'est une exception. Mais on n'a pas du tout le sentiment d'un minimum de démarche vers l'autre. Certains d'entre eux ont pris des femmes arabes. Certains d'entre eux ont pris des femmes arabes. Certains. Et puis il y a cette fameuse phrase d'Oussama qui en dit long. Les francs de la nouvelle génération sont pires que les anciens. Car les anciens, au moins, il ne dit pas c'était assimilé. Mais enfin, on avait appris à les connaître. Tandis que les nouveaux, véritablement, il n'y a rien à tirer d'eux. On a vraiment la conviction qu'au fur et à mesure des vagues, je ne dis pas d'immigration parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais de vagues, de nouveaux arrivés, la situation empire et la situation conflictuelle empire. Ce qui explique alors la sauvagerie des combats dont oui. Oussama décrit oui. toute la cruauté. Oui. Et c'est pour cela qu'on a presque envie d'assimiler la guerre telle qu'elle se déroule entre les francs et les musulmans à la chasse contre les bêtes sauvages. Oui, on revient du champ de bataille avec les dépouilles, les têtes encore sanglantes qu'on accroche au harnais. C'est une partie de chasse et sans merci. Oui. La Tabak Zanji avait coutume de dire « J'ai trois hommes à moi. Le premier craint le Très-Haut, mais ne me craint pas. Il désignait par là Zinedine Ali Qudjar, que Dieu le prenne en pitié. Le second me craint, mais ne craint pas le Très-Haut. Il s'agissait de Nasreddin Sonkour, Dieu le prenne en pitié. Le dernier ne craint ni Dieu ni moi. C'était Salah ad-Din Mohamed ibn al-Ayoub al-Ghazaini, Dieu le prenne en pitié. » J'ai constaté chez ce dernier, Dieu ferme les yeux sur ses fautes, des traits qui justifient les paroles de la Tabak. Nous avions par exemple fait un jour mouvement vers Homs, alors qu'une pluie énorme s'était abattue sur le sol. La terre, devenue boueuse, était si lourde que les chevaux ne pouvaient pas bouger, tandis que les fantassins, eux, luttaient au corps à corps. Salah ad-Din était posté avec moi et nous regardions devant nous ces fantassins. L'un d'eux courut rejoindre ceux de Homs auxquels il se mêla. Salah ad-Din, qui l'avait vu, dit à l'un de ses compagnons « Amenez ici l'homme qui était à côté du fuyard. » Quand ce fut fait, il lui demanda « Quel était celui-là qui se trouvait à côté de toi et s'est enfui pour aller à Homs ?»« Par Dieu, Seigneur, répondit le fantassin, je ne le connais pas. » « Tranchez-le par le milieu, ordonna Salah ad-Din. Seigneur, dis-je alors, emprisonne-le et fais éclaircir le cas de l'autre. Si cet homme-ci le connaît ou lui est lié par quelque parenté, alors tu lui couperas la tête. Sinon, tu aviseras à son propos. » Salah ad-Din parut se ranger à cet avis. Mais un de ses serviteurs qui se tenait à côté de lui dit « Quand quelqu'un déserte, on prend celui qui était à ses côtés, on lui coupe le cou, ou bien on le tranche par le milieu. » Ces paroles réveillèrent la hargne de Salah ad-Din. Il ordonna de trancher l'homme par le milieu. On l'entrava, comme le voulait l'usage, et on le coupa en deux. Salahdine n'avait rien à se reprocher, sinon que de s'être entêté et de n'avoir pas assez craint le Très-Haut. Saladin va se rendre maître de l'Égypte en 1169 et deux ans plus tard, il va proclamer la déchéance de la dynastie des Fatimides. Et il va exercer ce pouvoir pendant un quart de siècle, pendant 24 ans, jusqu'à sa mort en 1193, c'est-à-dire 5 ans seulement après la mort d'Oussama. Il y a deux projets chez Saladin et il y a un projet, disons, politique, qui est celui de l'unification non seulement de l'Égypte, de la Syrie, mais aussi de l'Irak. Et puis, il y a un projet que l'on pourrait appeler à la fois militaire et religieux, mais principalement religieux, c'est celui de l'éviction des Francs de la Palestine. Et là, il semble que dans l'esprit de Saladin, il s'agisse d'un projet essentiellement religieux, je veux dire d'une guerre sainte. Le djihad. Est-ce que dans l'esprit d'Oussama, cette idée de guerre sainte contre les Francs apparaît à un moment du texte ? Oui et non. Non dans la mesure où ce projet n'est pas inscrit dans un vocabulaire précis. Je ne sais même pas si le terme de djihad apparaît une seule fois dans ce livre. Pas plus d'ailleurs que le terme de croisé. Oussama, parlant de l'ennemi, dit toujours les Francs. Ça, c'est le côté négatif, si j'ose dire. En réalité, dans l'épaisseur du livre, c'est bien d'une guerre sainte, du djihad qu'il s'agit. Et pour revenir à Saladin, il est vrai que, mais comme toujours dans l'histoire de l'islam classique, le politique et le religieux sont étroitement imbriqués. Il n'y a pas de doute que Saladin est d'abord un grand personnage qui a une ambition personnelle. Cette ambition personnelle commence, comme vous l'avez rappelé, par la suppression du califat fatimide d'Égypte, mais déjà, la suppression du califat fatimide d'Égypte est un phénomène religieux. Mais car... pourtant, au départ, Saladin est un héritier, je dirais, de Zanghi, un fidèle de Zanghi et de Nur ed-Din. Il s'inscrit dans une tradition. C'est cela. Alors, c'est un Kurde, mais c'est un Kurde qui recueille l'héritage de la politique mise en place par les principautés turques après l'an 1000 au Proche-Orient. Cette politique, car c'est une politique, est fondée sur l'expansion du sunnisme. Et toutes les principautés turques, à commencer par les grands Seldjoukides qui ont mis la main sur le califat de Bagdad, sont des fondateurs impénitents de madrassa, médersa, comme nous disons dans un vocabulaire un peu francisé. Ces madrassas sont des écoles qui sont des écoles de l'islam sunnite et qui sont assises sur une répartition très stricte entre les quatre écoles qui fondent l'islam sunnite, celui que nous appelons bien à tort orthodoxe. Alors Saladin, lorsqu'il supprime le califat fatimide d'Égypte, fait à la fois un acte politique dans la mesure où lui-même s'investit du pouvoir sur l'Égypte et bientôt après sur la Syrie, mais en même temps c'est un acte religieux, car les fatimides étaient des chiites. Est-ce qu'on peut voir aussi en Oussama un défenseur, je dirais presque inconditionnel du sunnisme, ou est-ce qu'il n'a pas été séduit par certains aspects du chiisme également ? On dit, certains érudits ont laissé entendre qu'il avait été séduit par certains aspects du chiisme. J'en ai relevé une ou deux traces dans son œuvre, je dirais très franchement qu'elles ne me paraissent pas très convaincantes. En réalité, c'est un bon musulman, un musulman que je dirais moyen. Et c'est le lieu de rappeler que, si l'on met à part les formes extrêmes du chiisme, il y a entre le sunnisme et le chiisme infiniment moins de clivage qu'on ne le dit. En fait, le chiisme dans ses grandes masses et le sunnisme dans ses grandes masses appartiennent à ce qu'il faut bien appeler l'islam, un islam moyen, au bon sens du terme. Alors, ce projet de Saladin, comme vous le disiez, est un projet dans lequel le politique et le religieux interfèrent profondément. Il est vrai que Saladin, croyant convaincu et croyant sunnite, voit dans les Francs un ennemi d'abord sur le plan de la religion, et il reste que ce parti pris, au meilleur sens du terme, de sunnisme est le credo politique d'une politique précisément, à savoir d'une politique d'unification de la Syrie et de l'Égypte, et que là, comme dans tant d'autres exemples de l'histoire, une politique d'unification se fait contre quelqu'un. Et en l'occurrence, l'ennemi, bien évidemment, pour des raisons politiques et religieuses, c'est le Franc, c'est le croisé.

C'était Valentine Hugo au micro de Henri Vermeil lors d'un hommage à Nijinsky diffusé pour la première fois sur Paris Inter le 9 juillet 1951. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Vous écoutez France Culture. Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Termine les nuits de France Culture. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan Mbechour, Virginie Le Duo. Vous pouvez réécouter et télécharger ces émissions à la page des nuits, sur le site et sur l'application Radio France. Bonne journée à tous à l'écoute de France Culture. Ils sont nos meilleurs amis, mais méritons-nous vraiment leur amitié? LSD s'intéresse aux chiens à partir de territoires inexplorés. Je suis trop heureuse en fait de vivre avec ma chienne et d'avoir développé une telle relation. On est un binôme en fait. LSD, la série documentaire Vie de chien par Ovidi, réalisation Julie Beressy. Du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Inquiétude au Zaïre où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes. Mécanique des épidémies, Ebola. Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la peste ou le sida, l'épidémiologiste Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va nous guider dans cette enquête. Mécanique des épidémies, 8e saison, Ebola. Un podcast de Renaud Piaroux, réalisé par Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture vous propose de redécouvrir cette émission. La science, c'est QFD. Natacha Trioux. Elle fait partie de nos vies à chaque instant, jusqu'au dernier souffle. La respiration, quels en sont les mécanismes? Et peut-on vraiment soigner par la respiration? On dit que l'on respire avec le cerveau, car la respiration est la seule fonction vitale que l'on peut contrôler volontairement. La bloquer en apnée, ou même l'accélérer pour hyperventiler. Impossible de faire de même avec le battement du cœur. Le lien entre respiration et cerveau se retrouve même dans l'étymologie. Le mot latin spiritus, qui signifie souffle, a donné esprit en français. Outre ses dimensions symboliques, elle est surtout une question de santé publique. 10% des Français sont touchés par des pathologies respiratoires et des techniques ventilatoires sont en développement pour aider les patients. Respiration, la science à plein poumon. Sophie Lavaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne dans le service de médecine de réadaptation respiratoire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et docteur en neurosciences. Thomas Similowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pneumologie à Sorbonne Université et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique. Et cette émission est co-animée avec vous, Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, notre magazine partenaire. Merci à vous tous d'être ici avec nous en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous publions pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la respiration agit-elle sur la santé et sur la santé mentale? Quels en sont les principaux troubles et comment diminuer la souffrance respiratoire des patients atteint de ces troubles? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment fonctionne-t-elle? La question est posée en 1949. La respiration est une fonction essentielle de la vie. Elle ne saurait être interrompue chez l'homme plus de 5 minutes sans que la mort s'ensuive. Cet air indispensable, il importe qu'il soit pur et en quantité suffisante. En 24 heures, 10 800 litres d'air passent dans une poitrine humaine. Ainsi, à l'air libre, quelques 10 mètres cubes d'air nous sont nécessaires en une journée. Que l'oxygène manque ou qu'il y ait excès de gaz carbonique, dont nous rejetons quotidiennement 450 litres, et c'est l'asphyxie. Aussi, méfions-nous de l'air confiné, c'est-à-dire de l'air non renouvelé en espace clos. Prenons garde à l'air vicié et laissons faire au vent coulis qui, par les joints des portes et des fenêtres, assure subrepticement une utile ventilation. C'est le manque d'oxygène, lequel se raréfie au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, qui provoque, à partir de 3000 mètres d'altitude, le trop célèbre mal des montagnes, analogue au mal des aviateurs, éprouvé toutefois celui-ci à des altitudes supérieures, à cause de l'absence de fatigue physique. Bien des gaz vénéneux peuvent, répandus dans l'air, provoquer des accidents graves, voire mortels. L'ennemi numéro un est sans doute l'oxyde de carbone, le terrible oxyde de carbone, qui, à la dose de 1 pour 800, détruit en 30 minutes la moitié des globules rouges du sang. Voilà un extrait de l'émission « Science et poésie » diffusée en 1949 sur la RDF. Thomas Similowski, que vous inspire cette archive sans mauvais jeu de mots? Moi, déjà que le titre de l'émission de l'époque était bien choisi, parce que je trouve le texte extrêmement poétique. Donc c'est plein de mots sympathiques, l'air vicié, le vent coulis, des gaz vénéneux. Je trouve que tout ce langage est tout à fait... amusant parce qu'il est daté, mais le propos, lui, de façon tout à fait spectaculaire, le propos, lui, n'est pas daté. En fait, tout ce qui est dit là, pratiquement, si on le redit aujourd'hui, on va le redire avec une forme différente, avec un langage différent, avec un ton peut-être un peu moins compassé, mais on va le redire de la même façon. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai relevé les 10 800 litres. Il n'y a pas eu d'inflation ou de déflation? Si, il y a un peu d'inflation. Alors, c'est très compliqué de faire ce calcul parce que la respiration, la ventilation, le nombre de litres par minute, il dépend de la morphologie de la personne. Donc une petite femme et un gros homme, ce n'est pas la même quantité de litres. Puis ça dépend aussi de l'activité. En gros, on est actuellement, on dit, c'est plus parlant, on dit 15 000 litres, parce que 10 800, c'est compliqué. On dit 15 000 litres, mais ces 15 000 litres vont passer, si vous faites une heure de course à pied le matin, ou si vous venez travailler en vélo, ces 15 000 litres vont passer à 25 000 facilement. Si vous voulez matérialiser ça, ça ne veut rien dire 15 000 litres. Ben, imaginez que dans votre cuisine, vous fassiez livrer tous les jours 15 000 bouteilles d'un litre d'une eau minérale, et qu'il faut les boire. Pour continuer sur ces allégories, Sophie Lavaux, on entendait également dans cette archive tout le pouvoir, le fort pouvoir métaphorique du terme respiration. Oui, et moi j'ai focalisé mon attention sur les détails plutôt anxiogènes, l'asphyxie, la pollution, attention, prenez garde. Et en fait, c'est très étonnant, c'était empreint de beaucoup d'émotions négatives en fait. Et finalement, ça rappelle que la respiration, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement vital à chaque instant. Oui, puis on verra aussi comment dans les troubles respiratoires, ce sont des troubles qui sont souvent liés aussi avec l'anxiété, et on le verra au cours de cette émission. Pour reprendre aussi ces termes 15 000 litres d'air, peut-être on peut commencer aussi par une anatomie de la respiration. Comment fonctionne l'appareil respiratoire, Thomas Similowski ? Alors, vous l'avez dit dans l'introduction, déjà, la première chose que je veux souligner, c'est que l'appareil respiratoire n'est pas autonome. C'est une fonction automatique, bien sûr, on ne pense pas à respirer, mais si vous vous souvenez d'un film qui devait être de l'édition numéro 2 de Les Aventures d'Indiana Jones, on voit à un moment donné le prêtre indien arracher le cœur d'une victime et brandir le cœur dans sa main. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le cœur, il continue de battre. Et ça, cette autonomie, elle est vraie pour l'ensemble des fonctions qu'on appelle vitales. D'ailleurs, on les appelle souvent fonctions autonomes, parce qu'elles n'ont besoin de rien pour fonctionner. La respiration fait exception. C'est-à-dire que si vous sortez les poumons de la poitrine du condamné, au lieu de sortir son cœur, ben vous allez les brandir, et ça va être tout mou. D'ailleurs, ça s'appelle le mou pour le chat. Pour les plus anciens de nos auditeurs, je pense que les plus jeunes ne vont pas comprendre, mais le poumon n'est pas actif. Et donc, il doit être mu par des muscles qui vont se contracter. Le muscle le plus connu de ça, c'est le diaphragme. C'est un muscle qui fait une sorte de coupole qui sépare le ventre de l'abdomen. Et il faut que ces muscles se contractent pour que la cage thoracique gonfle, pour que le poumon gonfle, pour que l'air rentre. Et ça vient de cette particularité qui est une commande nerveuse qui est dans le cerveau. C'est pour ça, comme vous le disiez au début, que je peux contrôler ma respiration. Je peux faire tout ce que vous avez expliqué, faire des apnées, hyperventiler, mais je peux aussi parler. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si la respiration, c'était comme les battements du cœur et que je n'avais aucune possibilité d'en moduler le rythme, eh bien mes phrases auraient toutes la même longueur, la durée d'une demi-respiration, d'une expiration. Ça, c'est passionnant aussi, Sophie Lavoux, parce que la respiration joue un rôle dans la parole humaine. Ça a à voir aussi avec cette anatomie de l'appareil respiratoire qui est divisé en deux parties. Sophie Lavoux ou Thomas Similowski. Oui, dans la communication, en fait, par exemple, là, on pourrait fermer les yeux et puis entendre l'autre inspirer pour commencer une phrase. Et donc là, on sait que l'autre veut prendre la parole. Et donc il y a des petits signaux comme ça dans la respiration qui font que la communication se fait avec des signaux beaucoup plus larges. C'est amusant de constater que le fait que la respiration soit le seul mouvement physiologique contrôlable, quand on vous entend le dire, ça paraît aller de soi, mais finalement, ça fait toujours naître une forme de surprise de la part de son interlocuteur, qui se dit, mais tiens, c'est vrai, oui, je oui, peux pas... Oui, c'est tellement anormal. Je veux dire, c'est vital, on l'a bien entendu dans l'archive, ça ne doit pas s'arrêter, il a dit, si on respire pendant 5 minutes, on est mort, je suis même pas sûr que ce soit pas plus court que ça, et donc, c'est aberrant quelque part. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi important qui doit être automatique, on respire quand on dort? La première chose qu'on fait en venant au monde, c'est respirer. D'ailleurs, ça inquiète tout le monde. Vous avez vu que la respiration, c'est la première source d'inquiétude. Est-ce que le bébé va respirer? Une fois qu'il a respiré, on oublie. Et on oublie et on retombe dans cette espèce de... On prend pour acquis ce phénomène, mais ce contrôle volontaire de la respiration, il est magique. Et comme le disait Sophie, il nous permet de communiquer. Alors, communication par la parole, communication par l'inspiration. Là, on est tous en train de parler. Si vous voulez me couper la parole, parce que je suis très bavard et je peux parler très longtemps, vous allez prendre une grande respiration pour dire c'est mon tour. Mais aussi une communication non verbale, non volontaire. Parce que, autre particularité de l'anatomie et de la physiologie de la respiration, dans ces fonctions vitales dont on a parlé, c'est la seule que je peux voir ou entendre de l'extérieur. Et donc, en tant qu'être humain, je suis exposé toute ma vie à la respiration de l'autre. Et je vais me constituer toute ma vie un catalogue qui va dire, tiens, quand on respire lentement, de façon monotone, profondément, ben on va bien. D'ailleurs, on est en train de s'endormir. Vous voyez ? Donc c'est aussi une particularité très importante. Oui, de façon plus générale, la respiration permet en fait de se connecter au monde qui nous entoure, Thomas Similowski. D'ailleurs, à ce sujet, vous participez à une étude en cours qui teste l'effet de la respiration dans l'interaction entre des humains et des robots. Alors, c'est pas tellement moi, c'est Sophie qui a mené cette étude dans le laboratoire initialement. En fait, l'idée est la suivante. Mais Sophie, je peux vous laisser raconter peut-être. Alors Sophie Lavaux, allez-y, je vous en prie. Oh, allez-y. On parle de robots qui respirent. C'est fascinant. Ouais. Alors, c'est un petit robot qui est assez célèbre, qui a été fabriqué par une société française qui à l'époque s'appelait Aldébaran, qui est devenue SoftBank Robotics. C'est un petit robot qui s'appelle Pepper. Il ressemble à un enfant de 10-11 ans. Il fait 1m20, il a des grands yeux ronds, il est tout sympathique. Il est multi-articulé, donc il est très fluide. Et on peut le programmer pour discuter avec un humain. Donc on fait des fausses conversations, parce qu'évidemment, le robot, il répond toujours la même chose. Et donc, on s'est posé la question. Et donc, c'est un robot avec lequel l'interaction, elle est réputée comme étant très fluide. Les gens le trouvent aimable, ils ont envie d'interagir avec eux, ils le trouvent vivant, il est sympa. Bon. Et donc, on s'est dit, mais quand je parle avec quelqu'un, comme on vient de le dire à l'instant, quand je parle avec quelqu'un, j'entends sa respiration. La respiration, elle est modifiée, je prends une grande inspiration pour faire une longue phrase, etc. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on fait semblant de faire respirer Pepper. Donc, on ne peut pas lui faire gonfler le thorax, c'est pas possible, mais on lui a fait donner des mouvements. Quand, à chaque fois qu'on respire, on s'ouvre. Donc, quand je prends une inspiration, ma taille se redresse et mes épaules vont en arrière. Et donc, on a fait faire ça au robot. Donc, il s'ouvre à l'inspiration, il se referme à l'expiration. On a instillé un petit bruit aussi. Et on n'a rien dit aux participants. Et les participants, le robot leur posait une question. L'idée, c'était de dire, tiens, j'ai observé les humains, c'est marrant, ils dorment la nuit. Par exemple, et moi, je n'ai pas besoin de dormir la nuit. On était en plein Covid, et donc on portait tous un masque. Donc le robot, il pouvait dire à son interlocuteur, mais pourquoi vous portez un masque ? Donc la personne répondait, et à la fin, le robot, allez-y Sophie. Disait, ah merci, je suis content d'avoir appris cela. Voilà. Et l'expérience était terminée. Et donc une fois qu'on a eu, on n'a jamais dit bien sûr aux participants qu'il y avait deux robots, hein, qui respiraient, l'autre qui ne respirait pas, on ne leur a pas dit. Et puis, on a regardé comment ça se passait, l'interaction. Eh bien, quand le robot respire, d'abord, deux tiers des gens ne s'en apercevaient pas. À la fin, on les débriefait, et deux tiers des gens n'avaient pas compris ce qui se passait. Eh bien, le robot qui respire, on le regarde plus longtemps, on a mesuré la durée de regard, la réponse qu'on lui fait pour expliquer le masque ou la nuit est plus longue, et on le trouve plus vivant. Donc le simple fait, donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un robot qui est déjà très humanisé. En plus, il est ce qu'on appelle néothénique, hein, c'est-à-dire on dirait un enfant. Donc il appelle le soin, il appelle la protection. Et ben, malgré tous ses atouts, juste le fait de le faire respirer, ça augmente son, entre guillemets, humanité. Donc ça montre qu'on ne perçoit pas, que c'est un signal inconscient et qui, en fait, va complètement modifier l'interaction avec le robot. Ça nous permet de maintenir plus longtemps l'attention des humains. Pour revenir sur la mécanique humaine, justement, on évoquait à l'instant l'importance du cerveau dans cette mécanique-là. Thomas Similowski, plus précisément, comment le cerveau et la respiration interagissent-ils ensemble ? Alors, dans les deux sens, de deux façons. Il y a un sens commande. Donc, nous avons dans le cerveau, dans une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui est juste au-dessus de la moelle épinière, entre la moelle et le cerveau proprement dit, nous avons quelques centaines de neurones qui sont organisés en réseau et qui vont avoir une activité automatique, comme un battement en quelque sorte. Et ça, ça va envoyer des commandes pour respirer. Donc ça, c'est la première chose. Au-dessus de ça, on a notre cortex cérébral qui nous permet de faire des gestes respiratoires comme on fait des gestes avec les mains. Donc ça, c'est le contrôle automatique dont on a parlé tout à l'heure, et puis la capacité de prendre le dessus temporairement, comme on l'a déjà dit. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que ça remonte toutes ces informations. Et donc le cerveau, oui, va en permanence recevoir de l'appareil respiratoire des dizaines de signaux. Il y a un muscle qui s'est contracté, il y a une articulation qui a bougé, il y a un poumon qui a été détendu, il y a une bronche qui s'est ouverte, il y a de l'air qui est passé dans le nez. Et donc le cerveau va savoir en permanence qu'on respire, à quelle phase de la respiration on se trouve. Et donc vraiment, c'est une espèce d'échange permanent bidirectionnel. Sophie Laveau, c'est pour ça qu'on dit que la respiration est un chef d'orchestre de nombreuses fonctions cognitives. Oui, la respiration, c'est le reflet de nos émotions et c'est le reflet aussi de notre activité, on va dire, cérébrale un peu, parce que quand on est stressé, on a beaucoup de pensées, on est très agité et on va respirer plus vite. Donc tout ça, c'est très lié. Olivier Lascar. Le fait que le cerveau soit le super contrôleur de la respiration, ça, pour le coup, c'est un facteur qui est commun, quoi, à toutes nos fonctionnalités physiologiques. Oui, avec une particularité, c'est l'important. Je parle dans le sens de la remontée de l'appareil respiratoire vers le cerveau. La particularité, c'est la variété et le nombre des sources d'informations. Quand le cœur bat, c'est une pompe qui bat, elle envoie un signal de pression et c'est tout. Tandis que pour la respiration, il y a toute cette richesse de tout ce qui remonte en fonction, comme je vous l'ai dit, les muscles, le poumon, le courant d'air qui passe dans le nez, etc. Donc c'est peut-être un peu plus subtil. Alors quels sont les dysfonctionnements et les troubles de la respiration ? Quelles en sont les causes ? Restez avec nous. France France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture et en partenariat avec le magazine Science et Avenir, nous parlons de respiration et de cette mécanique de la respiration. Une émission co-animée avec Olivier Lascar et avec nos deux invités du jour, Thomas Similowski, Sophie Lavaux. On vient de revenir sur les mécanismes physiologiques, tout part du tronc cérébral, la région du cerveau qui contrôle la ventilation. Parlons à présent des troubles respiratoires. Les principales maladies respiratoires, ce sont la bronchopneumopathie chronique obstructive, aussi dit la BPCO, l'asthme